Nous sommes le 16 de Verdet 1131. Autrement dit, 3 jours viennent de passer et vous avez plus ou moins repris votre quotidien de tous les jours. Avant de vous poser la question, je vais d'abord répondre pour l'absent. Victor, lui, de son côté, vous a un peu pas laissé de côté, mais en gros, il vous a prévenu qu'il allait se renseigner quand même sur cette histoire d'Elsa au bar. Parce qu'il se dit, il y a peut-être quelque chose à. Ouais, il y a peut-être quelque chose à en faire. Et donc, du coup, ces derniers jours, il s'est un peu absenté. Vous savez que ça se passe au ministère de la guerre, c'est pas vraiment dans votre jonction, même si en tant que métropolite, vous avez. Je rappelle que le rôle des métropolites, c'est d'être un peu le. Comment dire ça? Vous êtes un peu la fonction neutre, en fait, hein, autour de tout ce qui est concerne, ce genre de choses. C'est vraiment vous qu'on appelle dans la plus grande des neutralités. C'est aussi le but de votre cellule, hein, qui, je rappelle, est censée être inter-empire, hein, une fois qu'elle sera vraiment nommée, parce que vous êtes toujours en test. Hein, petit rappel habituel. Donc, bref, Victor, lui, vous a un peu laissé. À son habitude, Hugo, lui, s'occupe de pas mal de choses. Il est pas mal convoqué par l'ordre des métropolites. Et donc, il fait beaucoup d'allers-retours. Et à votre grand désarroi, votre collègue, est souvent absent. Il n'empêche donc que vous êtes tous les deux ce jour-là. Et avant de vraiment passer à la narration de la journée. Je viens à peine de voir le chat, désolé. Je disais donc. Avant de passer du coup à la narration même de la journée, j'aimerais savoir ce que vous avez fait, eh bien, ces 2, 3 derniers jours qui viennent de séparer du coup cette ellipse entre les 2 sessions. Bah, du coup, je pense que je suis resté au QG Indico un peu plus souvent que d'habitude. Ne serait-ce déjà que pour vérifier que les autres entrées, même si normalement elles avaient été condamnées, n'aient pas été forcées plus que ça. En tout cas, qu'il n'y ait pas de signe d'intrusion. Et puis même le soir, enquêter, voir si j'entends du bruit. Ou des fois, dehors, regarder ces silhouettes qui semblent s'approcher. Un petit peu monter la garde. Effectivement, du coup, tu vas pouvoir faire ça. Et pour un peu répondre à ta question de suspicion, de surveillance, c'est un peu difficile à dire, mais tu sens que il y a quand même un certain intérêt à ce que tu fais par certains signes, certaines choses. Tu sais pas en fait si t'es rentré dans un système de pensée plutôt paranoïaque ou si c'est vraiment des faits avérés, surtout si tu gardes un peu ça pour toi. Puisque des fois, t'as l'impression de croiser 2 fois la même personne à la même horaire, tu vois, avec un jour d'intervalle. Alors, finalement, est-ce que c'est peut-être juste quelqu'un qui rend du travail de manière très ponctuelle ou est-ce que c'est quelqu'un qui surveille vos habitudes? T'es dans ce genre de pensée, il y a des petits détails qui te donnent une impression. Et sans jamais que ce soit validé, tu vois. Genre, tu vois pas quelqu'un, tu n'as pas vu, en tout cas, quelqu'un t'espionner de manière directe ou ce genre de choses. Mais. Vu que c'est quelque chose auquel tu fais gaffe, t'as quand même cette petite suspicion de des petits détails ici et là. Du côté de Kornilov. Eh bien, du côté de Kornilov, je pense tout simplement que les jours qui sont passés ont été pour Kornilov assez identiques les uns des autres. C'est que je pense que j'ai été reprendre contact avec Emily Ford, la dame qui nous avait passé nos déguisements et qui était costumière ou même plus que ça d'un groupe de théâtre. Et je pense que je vais, pourquoi pas, essayer de prendre quelques cours avec elle, ou en tout cas de faire les premiers pas pour me faire accepter là-dedans. Et donc j'ai dû passer les jours précédents à faire ça, et le soir à rentrer comme d'habitude au QG et à servir de cuisinier à ceux qui y restent. Très bien. Du coup, on va te, je crois, te faire un petit jet. Je te prends juste 2 petites secondes pour vérifier ça. Ta ta ta ta ta ta ta. Ouais. Vu que, en fait, normalement, tu es la première personne à faire un travail par mentor pour t'améliorer dans une compétence. Du coup, normalement, c'est à la fin de la séance de travail, on fait un jet d'expérience pour voir, par rapport à la marche que tu vas faire, combien d'XP vraiment de... Enfin, c'est pas vraiment d'XP que tu gagnes, c'est plutôt un seuil d'évolution qui se baisse. Mais du coup, voilà, je vais te demander bah, du coup, de faire un jet, et si je me trompe pas, du coup, ça va être dans... J'allais dire déguisement, mais non, ça n'existe pas dans les crimes. Excusez-moi, il faut que je rangerai toutes mes fenêtres. Comment ça s'appelle déjà bah, représentation. Ta-ta-ta-ta, fiche de personnage, hop. Mais c'est dans représentation, c'est ça? Oui. Ok. Eh bien, du coup, je te laisse faire un test de représentation. Eh bien, ça fait donc les 2D plus la compétence, 6. Ok. 6, alors, je regarde combien tu as actuellement. Ok. Très bien. Bien, du coup, tu vas perdre... Enfin, tu vas perdre. Tu vas baisser de 2 le seuil... d'évolution que tu as besoin pour atteindre le level up du coup dans la représentation. Donc voilà à quoi s'est résumé plus ou moins vos derniers jours. Hein. Niveau travail, hein, parce que vous avez malgré tout un travail qui est quotidien, ça s'est passé plutôt bien. On vous a sonné une petite mission que vous avez résolue dans la même journée qu'on vous l'a donnée. Une petite mission de surveillance, tout simplement vous assurer que certains propos qui ont été tenus ne se retiennent plus. Vous commencez à avoir l'habitude dans ce genre de mission, c'est pas trop le genre de choses que je me permets de faire un petit RP, mais que vous jouez. Mais faut vous dire que vous avez souvent ce genre de mission, parce que c'est quand même le but à la base des métropolites, c'est la surveillance, ce genre de choses. Et pas mal de fois, on vous dit, voilà, il y a telle personne qui a tenu des propos un peu hasardeux, et vous avez vérifié de quoi il en est. Et généralement, c'est quelque chose qui prend vraiment très peu de temps. Quand c'est des cas plutôt simples, ce qui est les cas que j'ellipse. Bref. Aujourd'hui, donc, le 16-2 Verdé 1831. La journée plus ou moins commence, on va dire qu'elle a déjà commencé. Vous êtes tous les deux, comme je vous l'ai dit au tout début d'introduction, je suis désolé, je me répète un peu, mais il y a toujours Sophia. Et justement, je voulais poser la question, quand est-ce que vous comptez reprendre contact hein, avec Arnold Thorpe. Eh bien, justement, aujourd'hui même, tout simplement parce que je sais qu'a priori, il n'y a que moi et Esther qui sont particulièrement intéressés par le cas Sophia. Victor, il était là par obligation, et Hugo, il n'était pas là, ouais. Mis à part pour faire le festival, enfin le salon. C'est vrai que c'est un peu la bonne occasion. Est-ce que, avant de bah, du coup y retourner, qui se passe au bar de la chouette, est-ce que quelqu'un voulait faire une petite chose, hein, quelque chose à régler, ce genre de choses? Allez, vu que Sophia avait bien aimé le plat la dernière fois, je pense que je vais lui racheter à nouveau une dernière fois. Okay. Très bien. Eh bien, tu vas te rendre au marché avant de partir. Tu vas dépenser encore une lie ou deux, je ne sais plus exactement comment je t'avais dit, mais c'est pas très important pour aujourd'hui. Et tu vas aller racheter ce fameux albâtre avec une sauce au caramel. Tu dépenses de l'eau pour ça. Mais ça vaut le coup. C'est un plat un peu hypé, mais ça marche bien et ça lui plaît énormément. C'est vrai que ça a quand même une certaine saveur, le sucre, ce genre de choses. Et donc tu vas pouvoir lui offrir ça avant de partir. Du coup, vous décidez de vous rendre, on est en matinée, comme je vous le disais, au bar de la chouette, rencontrer Arnold Thorpe. Après avoir fait ton détour, avoir acheté le repas à Sophia, lui avoir offert, vous décidez donc de vous mettre en marche pour rejoindre Arnold Thorpe. Ou Harry Thorpe, si vous prenez son diminutif, excusez-moi, j'ai du mal à articuler. Et donc, vous décidez de vous y rendre. Vous savez que le bar de la chouette se trouve plutôt en basse ville, étrangement. Enfin, étrangement, pas tant que ça quand on sait dans quelle activité il baigne, mais étrangement quand on sait quelle image se donne la guide, je rappelle, une guide artistique. Hein. On est dans la guide de l'éventail, qui est censée être très artistique, très maintenant très acceptée, très oui, mise au plus haut dans la société, en tout cas qu'une simple guide remplie de malfrats. Vous y rendez donc tous les deux, Esther déguisée. Kornilov, est-ce que tu avais un déguisement déjà? J'avoue que j'ai un trou de mémoire. Oui. J'avais des habits qui faisaient un peu genre d'en haut. Pas très haut non plus, mais d'en haut. Très bien. Et j'avais ma moustache. Pas de barbe, du coup. C'est vrai. Donc du coup, tu revalides ça. Tu rases les poils qu'on poussait pour vraiment avoir que la bonne moustache. Exactement. Très bien. Vous rentrez donc dans le bar. Et vous voyez, tout simplement un bar assez habituel, hein, des basines. Hein, c'est l'endroit rempli de gens. C'est vraiment très très bruyant. Les gens sont là vraiment pour discuter, pour vraiment prendre un temps ensemble. Hein. Ils sont vraiment là pour ça. Vous rentrez, vous avez des dizaines de conversations qui se mélangent aux oreilles. Au point où vous avez vraiment des fragments de phrases qui viennent à gauche, à droite. C'est vraiment pour le coup très bruyant. Il y a une forte odeur d'alcool hein, qui en ressort. Vous allez plutôt sur quelque chose comme une bonne bière hein, que vous avez l'habitude de. enfin, une bonne bière, t'auras un point bonus pour le cosplay, magnifique. Surtout si tu la tiens toute la session, c'est magnifique. une bonne bière artisanale hein, comme. Comme le produit, cette fameuse guide pour laquelle vous avez travaillé quelques temps auparavant, 7 mois je crois, si je ne me trompe pas dans mes durées. Et voilà, c'est vraiment une grosse odeur, vraiment des bouts de conversation, vous entendez un peu tout et de rien, des gens qui s'engueulent et d'autres gens qui sont au contraire très amicaux. Et c'est, en termes de taille, hein, en vrai c'est assez grand, bien plus grand en fait que la moyenne des bars que vous connaissez en Basseville. Faut vous dire que aussi le bar du Roller où vous passez beaucoup de temps, il est vraiment un tout petit bar parce que bah le reste est vraiment fait pour construire une salle très isolée de tir, hein, ce qui était légal. Donc ils ont vraiment réduit l'aspect bar, hein, c'est vraiment très petit. Là c'est vraiment grand. Vous allez sur quelque chose qui fait facilement 70 pieds de longueur, quoi. Donc vous avez quoi de vous enfoncer très loin dans la salle. Dites-moi ce que vous faites. Bien, je pense que déjà, avant tout, je jette un coup d'œil en essayant de voir si je peux reconnaître facilement Monsieur Torp, ou s'il n'est pas encore présent. Ouais, je jette un coup d'œil aux autres personnes, voir si à tout hasard, il n'y aurait pas des gens qu'on connaisse. Ce qui pourrait poser un souci si je me prénom. Enfin, ouais, mais c'est une excellente remarque, je tiens à te le signaler, c'est un très très bon réflexe que tu viens d'avoir. Parce que justement, toute la famille est là. Parce que justement, il y a tous les PNJ que vous avez rencontrés jusqu'à aujourd'hui. Y compris il procédé Mento, il est au milieu de la table. Il est là, monsieur. S'il a un petit verre avec son team. Vous êtes au Starbucks du pauvre. Non, en réalité, c'est une excellente question, parce que c'est typiquement le genre de remarque, hein, je vous en avais parlé, mais qui marche, Joachim, parce que il n'y a pas de jet pour savoir si quelqu'un vous surveille, etc. Il faut que le joueur le demande. Hein, et je pourrais jamais vous demander, du coup, un jet pour vous dire, tiens, tu remarques qu'il y a quelqu'un qui te suit. Si vous ne me le demandez pas, bah, vous êtes suivi sans y faire gaffe. Et donc, cette question est du coup très prudente, et j'encourage vraiment ce genre de remarque. Donc, je te donne vraiment... Un point bonus, et pour ça, et pour toi aussi ton cosplay, mais c'est magnifique. Malgré tout, tu es assez soulagé, bien que ça... En fait, vos deux coups de regard hein, sont assez longs, encore une fois, hein, vous avez un truc de 60-70 pieds de long, ce qui est quand même assez grand, et vous regardez un peu partout autour de vous, et Esther, tu ne sens pas reconnaître, en tout cas, de visage hein, familier. En tout cas, pas dans ce premier coup d'œil. Il faudrait peut-être que tu regardes vraiment chaque table, mais ça risque de devenir un peu bizarre de te voir parcourir tout ça. Et Kornilov, toi aussi, tu finis ton coup d'œil avec la même réaction. Tu n'as pas de visage familier, y compris, du coup. celle d'Arnold Thorpe pour le moment. Est-ce que vous faites quelque chose ? Vous allez voir quelqu'un. Mais dans ce cas-là, peut-être qu'on peut aller s'installer et faire la technique Kornilov d'acheter, de commander 3 verres. Exactement. Et d'attendre que la personne se présente. Bon, en l'occurrence, je la connais, donc ça marche vraiment bien. Ouais, enfin, j'aimerais bien, mais je suis toujours à mille liches. Kornilov est devenu très pauvre. Je suis toujours aussi pauvre. Au pire, on s'installe et on commande 2 verres, on attendra. Je suis même pas sûr d'avoir assez pour un verre. Vous allez voir le barman. Le barman, c'est un homme très chauve qui vous rappelle un peu dans ses traits Rolando Piani. Y a quelque chose d'un peu familier dans le visage. Ça ne veut pas dire que c'est la même personne. Hein. Vous savez, dans la vraie vie, des fois, il y a des gens qui ont des visages familiers. Ça ne veut pas dire que ce soit la même personne. J'ai vu ton regard circonflexe. Ce n'est pas ce que je dis. J'ai juste que voilà, il y a quelque chose d'un peu familier dans. Il y a quelque chose de familier voilà, dans ce visage de personne assez chauve, assez brut, son visage assez rond. Et tout simplement, il vous accueille. Oh, bonjour. En plus, ça aurait été con que ce soit vraiment lui, parce que du coup, j'aurais pas pu me faire passer pour Sofia Benedelci. Non, clairement pas. Bon, que puis-je faire pour vous? Vous avez besoin d'une boisson, quelque chose du genre? Bien, on prendra... Moi, je prendrai de l'absinthe. Oh! De souvenir, c'est pas très cher. Voilà, tout à fait, c'est très très peu cher. Moi, je vous prendrai ce que vous avez de moins cher. Eh bien, le moins cher, c'est effectivement une petite absinthe. Ça va vous coûter seulement une hurle. Après, si vous voulez un petit conseil, on a une petite bière brassée non loin d'ici. L'absinthe. Seulement 5 sous. La bière, c'est ce que boivent énormément les gens de cette catégorie de personnes à laquelle vous appartenez, ou j'essaie de vivre l'expérience à son plein potentiel, vous voyez. C'est-à-dire que oui, c'est en tout cas ici, c'est ce qu'on vend le plus. Et puis il faut dire que bon, avec les fabricants qu'on a pas loin, ça marche plutôt bien, oui. Bon, eh bien, je prendrai une bière aussi, alors allons-y pour l'expérience des prolos. Très bien. Et qui se tourne, qui sort une énorme bouteille d'absinthe, qui sert un verre, il sort une petite bière, il sert un verre aussi. Et il vous tend les... il vous tend les verres, voilà. Vous payez maintenant ou vous payez à la fin de votre consommation? Ah, on peut y aller à la fin. Très bien. Bon, vous savez que généralement, comme dans la vraie vie, quand tu payes à la fin, ça veut dire que tu vas te resservir plusieurs fois. Parce que voilà. Ça. Du coup, très bien, vous prenez vos verres. Et je suppose que vous allez vous installer à une table. À vrai dire, la place n'est pas facile à trouver. Vous êtes obligé de prendre en fait un bout de table qui est déjà utilisé par d'autres gens. Mais vous êtes un peu isolé, mais... Au pire, si jamais il s'en aille en attendant l'autre, on prendra le reste de la table. S'il vient. Tout à fait. Puis rien ne vous... Après, vous empêche de bouger. Puis vous doutez bien que s'il vient vous parler de trucs illégaux, il le fera pas... Avec les gens à côté. Avec les gens à côté. Mais voilà, vous installez et vous commencez à siroter. À vrai dire, pour Cornelia, cette situation lui rappelle peut-être un peu... une autre situation qu'il a vécue très récemment. Malgré tout, dites-moi, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous passez vraiment juste le temps de siroter? Est-ce que vous essayez de discuter à des gens? Je pense qu'on va discuter. On pourra discuter entre nous aussi en attendant, histoire de. Aussi. Hein. Bon, je fais pas des listes exhaustives de choix. Hein. On fait ce que vous voulez. Honnêtement, c'est mieux discuter entre nous, je pense. Parce que si on discute avec d'autres, ça fait plus de chances de laisser tomber une information qui gâcherait notre couverture ou quoi que ce soit. Donc... C'est mieux entre nous. Ok. Alors, du coup, quoi de neuf? Eh bien, il faut dire que récemment, j'ai fait l'acquisition d'une œuvre. Ah bon? Attendez, j'ai noté ça quelque part, c'est dans mes notes. C'était... J'ai perdu mes notes aussi. De l'art sur métal. Oh. Sculpture sur métal. Et vous, quoi de neuf? Oh, pas grand chose ces derniers jours, enfin même ces derniers temps, je ne me sens pas trop à mon aise dans la ville. Ah oui, vous avez parlé de... Ces intrusions en effet oui. Sont assez inquiétantes. Mais rien n'est signalé a priori aux dernières nouvelles. Non, rien de nouveau. Quelques vagues impressions parfois, une intuition, mais je ne saurais dire si elle est réellement rationnelle ou liée plus à... Enfin, vous voyez... Quand on cherche absolument quelque chose, on finit toujours par le voir au moins une fois ou deux. Ah oui, je comprends. C'est de l'avenir nous le dira. Et je regarde toujours aux alentours pendant que je discute, c'est la raison pour laquelle mes réponses sont pas non plus les mieux construites qui soient, mais j'essaie surtout de rester attentif à la possible entrée en scène de Monsieur Thorpe. Bien sûr. Et moi je guette le fait que les gens d'à côté puissent nous laisser les places. Au bout de 30 minutes de discussion, Bon, de discussion plus ou moins fluide, ça va dépendre des sujets que vous allez trouver, ce genre de choses. Malgré le fait que ça fait quand même quelques années maintenant, si je ne me trompe pas, que vous connaissez, il me semble que vous faites partie des... ceux qui se connaissent depuis un petit moment, si je ne me trompe pas, dans votre... Bah, on se connaît depuis... Ah si, attends. On se connaît depuis qu'on étudiait, ouais. Oui, depuis qu'on étudiait. On ne se connaissait pas spécialement avant. Ouais, après, ok, ouais. Mais non, on se voyait aussi en dehors, vu qu'on fréquentait le Mainland. C'est ça, oui. Ça fait quand même plus d'un an que vous connaissez, ça va. Oui, c'est ça. Très bien. Bien, du coup, malgré tout, au bout de 30 minutes, Kornilov, toi qui surveilles, tu vois effectivement Arnold Thorpe sortir. Non pas, en fait, non pas rentrer dans le bar, mais sortir de l'arrière-salle, en fait, qui se trouve derrière le comptoir. Et il commence à discuter avec le barman. Mmh. Eh bien, plutôt que de lui foncer dessus immédiatement et au risque d'avoir l'air un peu trop lourd, je vais aller de nouveau vers le barman et je vais tout simplement me placer donc à côté de Thorpe et demander donc un autre verre, s'il vous plaît. C'est un breuvage très à mon goût, comme si je ne l'avais pas reconnu, donc Monsieur Thorpe. Très bien. Bon, le barman, forcément, il n'y a pas de souci. Il prend la bière, il commence à te servir un verre. Et je vais quand même m'amuser à le faire au dé, parce que tant qu'à faire, j'ai juste envie de mettre un peu d'aléatoire là-dedans. Parce que, après tout, il vous a vu qu'une fois, hein, donc rien ne l'oblige à vous reconnaître du premier coup. Et il y aura peut-être un bonus, j'ai juste besoin de me souvenir, je ne crois pas. Non, c'était Hugo hein, qui avait eu vraiment un gros contact avec lui, non? Ouais. Ah, c'est dommage qu'il ne soit pas là. Victor aussi un peu, je crois. Oui, c'est dommage qu'il soit pas là non plus. Ouais. Très bien. Bon, du coup, tu n'auras pas de bonus parce que il n'y a pas eu un coup de foudre incroyable artistique avec toi. Malgré tout, il a fait un résultat pas dégueu. Donc, il tourne la tête. Et tu vois qu'il commence à te dévisager, mais pas non plus de manière trop frontalement, tu vois, comme quelqu'un qui est poli. Mais il te regarde un peu, tu vois, il divise, tu vois qu'il réfléchit un peu, et puis alors que tu viens de saisir ton verre, hein, il vient et fait « Mais, excusez-moi de vous déranger, mais on s'est déjà vu. » Du coup, je tourne la tête vers lui, je le regarde aussi avec un air comme si je cherchais un peu, en touchant un peu ma moustache, comme ça, là. Qui tombe des moustaches. Je vais dire, mais oui, Monsieur Thorpe, j'étais là au salon précédent que vous y avez... Salon de l'épouvantail, oui. ...auquel vous avez participé. Nous avions discuté art sur métal ainsi que voyage. Ah, je vois. Rappelez-moi votre nom déjà. Yefimovitch. Ah oui, c'était donc ça. Vous étiez accompagné de gens très très charmants, je m'en souviens. Oui. Bon, écoutez, est-ce que je peux vous offrir quelque chose à boire? Ah, mais avec grand plaisir. Très bien. Tu vois qui va voir le barman. Il saisit la bouteille d'absinthe et se dirige vers la table que tu lui indiques, je suppose. Oui. Il s'assoit et commence à, du coup, bah, vous servir un verre à tous les deux. Il te salue, du coup. Bonjour. Monsieur Thor. Oui. Allez-vous? Oh, mais bien, bien, bien comme il faut. Ah, je suis ravi de savoir que vous avez fait la démarche de me retrouver ici. Ah, j'y travaille de mon temps libre, en plus de mon projet d'artiste. Je vois bien, oui, il faut dire que nous avons été très intéressés à la fois par votre personne et votre travail à la première rencontre, donc il était tout à fait naturel que nous revenions au moins vous apercevoir. Oui. J'ai une question qui pourrait paraître un peu indiscrète, mais vous venez voir l'artiste ou l'homme? Disons un peu des deux. Ah. Dis-je en agitant mon verre. Avant de boire. Le verre qui m'a servi, hein, pas le moins cher du bar que j'avais commandé avant qu'il aille. Bon, honnêtement, il a pris une bouteille d'absinthe, hein, c'est la même oui, chose. D'accord. C'est la même chose d'ailleurs, du coup, il me semble. Oui, oui, c'est ça, c'est la même chose. Du coup, tu vois qu'il a un petit sourire. Ah, je me disais bien. Non, c'est, vous savez, j'aime beaucoup les discussions qui tournent autour de l'art, mais je sais que des fois, j'invite les gens à me retrouver pour d'autres sujets. Est-ce bien votre cas? Eh bien, je dois dire qu'en effet, je suis intéressé aussi. Oui, en effet, nous sommes intéressés. Et donc, vous dites que... bon, je vous ai déjà croisé, je vous crois de bonne foi, mais... Vous intéressez vraiment à l'art qui touche sur le métal, l'éventail, ce genre de choses? Eh bien, pour ce qui est de ma personne en tout cas, je dois avouer que les éventails ne sont pas dans mes intérêts, mais le travail sur métal, lui, cependant, je le trouve très, très, très vénitien. Surtout, a priori, les pièces dont vous êtes l'auteur, qui me parlent profondément. Je dois l'avouer. Même si je n'en ai rien dit sur le moment la dernière fois, il faut dire que j'étais plus dans la contemplation. Vous étiez bouche bée devant une telle maîtrise. Oh, c'est gentil. Ouais, vous savez, c'est juste une petite vérification nécessaire, mais vous n'êtes pas obligé de me flatter si vous voulez. C'est sculpture, pardon. Je me rappelle que il avait bien aimé, on avait parlé de ça. Oui, tout à fait. Et vous avez même eu un contact là-dessus. Je me souviens de vous, mademoiselle. Travaillez-vous sur de nouvelles œuvres en ce moment même? Oh, mais je travaille toujours sur une œuvre. D'ailleurs, pour aller un peu droit au but, parce que je vous avoue que malgré tout, je ne peux pas prendre une pause trop longue. Si jamais ma seconde activité vous intéresse, nous pouvons tout à fait nous retrouver à la fameuse passerelle des ponts. Il y a là-bas, disons, mon activité, une nouvelle œuvre, si vous préférez. Vous voyez que quand il parle comme ça, c'est... Vous voyez qu'il met vraiment un ton un peu surjoué exprès pour être clair dans ses intentions. Que vous pourrez retrouver ce soir même, pour peut-être même prendre commande d'une de mes nouvelles œuvres. Eh bien, ce sera avec plaisir. Bien. Au soleil couchant, vous allez au plus bas... au plus bas des ponts, il y a une passerelle sur laquelle j'expose. Nous serons là, alors. Parfait. Vous avez besoin d'autre chose, ou... Bien, tu vois qu'il se lève, hein. Vous laisse la bouteille d'absinthe en disant « c'est pour moi », et il retourne au bar. En vous remerciant. Reprendrez-vous un verre, mon cher Greg? Oui, maintenant qu'on a la bouteille, vous voulez terminer? On sert quelques verres en plus. Il y a un bouchon ou pas avec? Oui, c'est une bouteille, ça se ferme. Okay. Non, parce que je sais que des fois, il pourrait donner oui, son tout à fait. Pour pas que tu puisses partir avec. Mais là, pour le coup, ça a été offert par la maison. Et... Bon, du coup, on en voit un peu, histoire de faire la blague. Du coup, alors, je n'ai pas compris en bas de quoi il fallait aller. Alors, c'est un lieu. Oui, j'ai entendu la passerelle. C'est ça. C'est... En fait, c'est un lieu. C'est plus ou moins son nom, enfin il a plusieurs noms, mais ça s'appelle aussi la rue des Ponts, ce genre de choses. Et en fait, c'est tout simplement un quartier assez connu, parce que il y en a plein comme ça, mais notamment celle-là, parce que c'est la plus grande concentration en fait, de ponts de Venise. En fait, c'est vraiment un lieu transitoire. Hein. Il n'y a aucune résidence, aucun bar, ce genre de choses. En fait, c'est vraiment très transitoire. Il y a quelques petites vraiment baraques isolées. Et en fait, c'est parce que voilà, c'est que des ponts qui se croisent. En fait, ça permet généralement de passer d'un quartier à l'autre de Venise, un gros lieu transitoire. Je vais laisser me dire du coup ce que vous comptez faire une fois que vous serez sorti du bar. Si vous voulez discuter un peu, vous avez le droit. Parce que voilà, du coup, le programme de la journée, c'est que vous êtes plus ou moins libre jusqu'à ce soir et que bah là. Au tomber du soleil, il faudra vous rendre à cette fameuse passerelle. Enfin, vous devrez partir un peu plus tôt, évidemment, mais voilà, vous avez quand même quelques heures devant vous de libre, et j'aimerais savoir du coup ce que vous comptez en faire. Je verrai en fonction de ce que Kornilov souhaite faire de son après-midi. Eh bien, bonne question. J'aimerais bien profiter du fait qu'on soit plus bas qu'habituellement, si j'ai bien compris, dans les étages, pour aller... Et bien justement, le barman m'a raflé mon cher ami Rolando Fiani. J'aimerais bien prendre des nouvelles de lui dans les usines. Après tout, c'est à moi qui dois son nouveau poste et j'aimerais bien savoir s'il s'est fait flamber par les ouvriers pour sa trahison de classe ou s'il se débrouille bien. Il n'y a pas de souci. On peut décider de vous rendre vraiment dans le quartier sud. Combien de temps est-ce qu'on met pour aller à pied pour y aller? Parce que vous êtes déjà descendu en fait. La chouette, ouais, se trouve peut-être à une heure de marche. Sachant que vous avez toujours des transports, hein, au besoin. Vous avez les vélos, Mais voilà, vous êtes à une heure de marche. Et à combien de temps est-ce qu'on est du QG Indigo? Équidistant, je pense. Une heure, okay. Peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, mais environ une heure. Ok, bon, dans ce cas-là, moi, j'entendrai bien un QG Indigo. Très bien. Je comprends. Du coup, vous allez vous séparer. Ouais, dans la rue, tu sais. Vous retirez vos caution, vous l'avez de la rue. C'est dommage, Harold vous surveillait. Oh non. Ah, vous m'avez pas dit que vous vérifiez. Mais voilà, vous séparez. Le temps de faire quelques courses. Je rappelle aussi pourquoi le QG est plus proche. C'est vrai que la géographie est très variable. Déjà parce qu'on traîne beaucoup du côté sud de la ville, parce que c'est là où ça on traîne le plus pour le moment. Et votre QG se trouve vers le côté sud, donc vous êtes plus proche de ça. Le jour où vous allez plutôt aller vers le côté nord, est, ouest, ça sera plus long. Comme ça a été le cas par exemple pour aller, au bâtiment des antiquaires. De la loge des antiquaires, qui, elle, était plus éloignée. Et je rappelle aussi que le QG, voilà, c'est la petite session, vu qu'on est que deux, ça me permet de remettre des petits contextes comme ça, j'en profite. Et il est vraiment à la limite, du coup, entre cette haute ville et cette basse ville. Hein. Vous êtes vraiment entre les deux, donc vous êtes c'est l'avantage, vous êtes assez proche pour intervenir à la fois à la haute ville et à la fois à la basse ville. Bref... Bon, même si vous en doutez qu'en vrai, ils ont fait ça parce que ça coûtait moins cher de vous prendre une salle en basse ville qu'en haute ville, mais au moins, vous avez le côté pratique du déplacement. Esther, du coup, tu retournes à la haute ville, enfin, à cette fameuse frontière, tu retournes au QG. Rapidement, pour savoir comment je joue, qui et dans quel ordre, quel est un peu ton programme pour que je sache la suite ? De discuter avec ma chère Sonia Benedacci. C'est bien Sonia. D'accord. Sofia, pardon. Il y a pas de souci. D'accord. Et donc bon bah toi Kornilov, le programme est assez clair, c'est discuter avec Rolando Piani. Vu que la musique est sur la basse ville, je vais rester sur Rolando Piani et enfin sur Kornilov qui va voir Rolando Piani et après je repasse à toi. Kornilov, tu descends et au bout voilà Je sais pas d'ailleurs comment tu te déplaces. Est-ce que vous vous déplacez en vélo de manière automatique, genre en gros on l'indique je pas, pense mais que maintenant on prend le vélo, ouais. Ouais, ok. Moi, je prends toujours mon vélo, sinon c'est trop lent. Voilà, c'était la question. Genre généralement on l'indique pas, mais je considère du coup que les déplacements, je prends la distance vélo. Donc du coup, en moins de temps, peut-être 30 minutes de vélo, tu arrives à cette fameuse extrémité sud de Venise qui gère le quartier des usines, le fameux quartier résidentiel d'Esther. Fameux quartier qui a vécu récemment cette fameuse confination qui a failli mal tourner, mais qui par chance a très bien débouché grâce à vous. Oui, une question. Je préviens juste que j'y vais habillé en civil, habillé en noir, pas avec la tenue bleue des Metropolis. Parce que vu le passif du quartier récent, je pense que je me fais triper dans une ruelle. Oui. Puis de toute façon, vu que t'étais déjà déguisé, je suppose que c'est plus simple pour toi de ne pas aller rechercher ta tenue pour redescendre. Donc, je considère que t'es plus ou moins dans cette tenue. Tu descends. Et en fait, pendant que tu... Il recroise les torpes. Une fois sur la moustache, une fois en métropolite. tu descends du coup dans ce quartier là et tu remarques que le quartier a vraiment repris de ses couleurs, hein, c'est bon, les gens sont en vie. Quand t'arrives, en plus c'est le jour du marché, il y a un énorme marché, alors un marché pour le coup plutôt pauvre, hein, malgré tout on n'est pas dans les quartiers les plus hype, mais bon, il faut bien que les gens qui habitent ici, les ouvriers, puissent quand même manger. Et donc voilà, c'est le jour, et t'as un gros truc en fait qui dure mais vraiment des kilomètres, hein. Et sur lequel, en fait, c'est plein de comptoirs, de la nourriture, des vêtements, des trucs comme ça. Et ouais, c'est une petite réunion, donc il y a vraiment beaucoup de gens, il y a beaucoup de crieurs publics. En fait, t'es vraiment dans une journée de pure émulation. Enfin, c'est, je crois, la première fois que tu vois le quartier aussi vivant depuis que tu traînes de temps en temps pour les quelques missions que tu as fait par ici. Et notamment, là, si tu as l'oreille un peu attentive, tu sais que... je suis en train de perdre une information que je voulais te dire. Tant pis. Il me semble... Je ferai peut-être une rectification, parce que j'avoue, j'ai pas ma note sous les yeux, mais je connais l'information, ça sera peut-être le chiffre qui va changer. Juste, tu entends que les crieurs sont vachement sur l'actualité, quand même, d'il y a quelques jours, qui est bah, forcément celle d'il y a deux semaines, hein, la fameuse oppression, et que les crieurs, dans ce quartier-là, sont en pleine propagande par rapport à ça. Et notamment quelques-uns qui te glissent une information qui n'était jamais parvenue jusqu'à aujourd'hui, mais que tu es obligé d'entendre parce qu'ils hurlent quand même très très fort, c'est leur métier, qui est le fait qu'il y a eu 9 morts. Jusqu'à présent, c'est vrai que tu t'en rappelles, mais avec toutes les réunions que tu as eues, etc., le fait que des gens sont morts n'a jamais été évoqué. Et dans les autres quartiers où quand même, bon, l'affaire a quand même fini par parler, mais surtout bien contrôlée par la propagande, en disant voilà... propagande pour qui vous travaillez, hein, je vous rappelle, mais en disant que voilà, il y a eu un confinement, mais que tout a été réglé sans violence, etc., et que du coup ils sont en pleine enquête dessus. Après, tu sais que ça a été volontairement un peu mis de manière très positive pour cacher l'attentat. C'est une juste éviter la panique, évidemment, des gens. Mais c'est vrai que c'est la première fois que du coup tu entends ce chiffre de 9 morts. Alors peut-être est-ce une invention populaire, pour donner de la colère aux gens, peut-être est-ce vrai, tu ne sais pas, mais voilà, c'est la première fois que tu as cette information qui est quelque part. Qu'importe, le temps que tu y réfléchisses, en fait, tu arrives déjà à l'usine Venedici, et les portes sont fermées. Ah, je suis venu le seul jour où c'est fermé, c'est ça? C'est les portes, c'est-à-dire les grandes portes d'usine, genre qui font plusieurs mètres de haut. Ouais. Y'a personne qui traîne. Comme je te disais, il y a justement plein de gens qui traînent parce que t'es dans un quartier des munitions. Mais c'est fermé. D'accord. Y a pas une porte plus petite à côté, genre c'est une porte plus habituelle, enfin moins grande usine. Tu fais le tour du bâtiment, parce que tu sais que il y a forcément des petites entrées pour les trucs qui se passent dans les petites ruelles, tout ça, et... Il y a des veilleurs, de toute manière, ils doivent bien rentrer d'avoir un endroit où rentrer. Exactement. Et il y a effectivement une porte, en fait, sur le flanc droit du bâtiment. Il y en a même plusieurs. Et si tu toques, personne ne te répond, et si tu essaies d'ouvrir, elles sont toutes verrouillées. Bon sang. Je mets le feu à lui. Non. je sais pas, je pense que je vais interpeller le premier gars qui passe très près de l'usine. C'est-à-dire, j'essaie de voir, pas juste un gars qui passe dans la rue, mais quelqu'un qui me semble être le plus à même d'être familier avec les lieux. Ok, tu cherches quelqu'un qui a l'air quand même d'être un ouvrier, un peu habitué aux lieux, etc. Ouais. Et en attendant un peu, parce que tu le trouves pas du premier coup, mais en attendant quelques minutes, tu finis par trouver par quelqu'un qui, tu sais pas, c'est une intuition en fait, hein, du moment qui te vient. C'est vraiment, voilà, c'est au fond de toi, tu dis, tiens, cette personne a l'air quand même d'être, tu sais pas si c'est son comportement, sa façon d'agir, mais il a l'air un peu d'être habitué à ce genre de lieu, et tu vas le voir. C'est un homme assez vieux, le dos très courbé, hein, dans un bleu de travail. Je te laisse tenir les propos que tu veux. Hé, l'ami, dis-moi, tu connais le Jinbeidashi ? Oui, oui, j'y travaillais. Ah, bien. Vous savez pourquoi elle est actuellement fermée ? Vous êtes pas au courant ? Non. De toute évidence. C'est pas vrai. Eh bien, je sais pas ce qui vous amène ici, mais... Vous n'avez pas le sens de l'orientation ? De l'orientation, bien sûr, le sens de l'observation, excusez-moi, je confonds souvent les mots. J'ai pas eu une très bonne éducation, vous savez. Eh bien, cette usine est fermée. Celle-là, là-bas, elle est fermée. Celle-là, là-bas, elle est fermée. Bref, il y a eu une fermeture de plusieurs usines. Ça fait je sais pas combien de centaines de personnes qui se trouvent sans travail du jour au lendemain. Il y a une raison particulière, c'est à cause de des événements de la semaine dernière. Les événements du 5 ? Non. Oui. La rumeur tournait déjà un peu avant qu'il allait y avoir des fermetures par des concernes, ce genre de choses. On pensait que Benedacci, étant dans Haute-Ville, serait pas influé là-dedans, et visiblement, il est pas assez puissant face aux concernes. Je vois, c'est triste. Oui, oui. Et vous sauriez où se trouvent les gens qui y travaillaient, s'ils ont été se rembaucher quelque part ou s'ils sont toujours à la recherche de travail? Ils sont comme moi, on traîne dans la rue, on essaye de survivre. D'ailleurs, si vous voulez, je fais des sculptures à base de queues de fulige. Tu vois qui sort ça de sa vache. C'est assemblé avec du métal. Vous en voulez une ? Ça coûte juste quelques sous. Ah. Et Rolando Piani, ça vous dit quelque chose ? Ah oui, c'est... le pauvre, hein. C'est le nouveau patron. Enfin, c'était le nouveau patron. Et... il a disparu. Ah oui. Ouais. Intéressant. Ouais, c'est très intéressant. Surtout l'histoire qui se raconte autour. Qu'est-ce qui se dit ? Ah, vous savez, je commence à être vraiment vieux, si jamais vous avez de quoi me rafraîchir la mémoire un peu, vous savez. Je crois plus aux récompenses qu'aux stimulants, donc on discute d'abord. Le problème avec la récompense, c'est que, vous savez, ça marche pas. Je sors le un liche que j'ai dans les mains et je le montre juste comme ça. Bah, c'est quand même beaucoup ce que vous proposez. Mais écoutez, vous savez, c'est ça représente quand même ce que vous avez entre les mains, 2 jours de travail. Donc, effectivement, apparemment, on lui aurait mis sur le dos quelques sales histoires qui seraient passées dans l'usine avant qu'il ait pris son affaire. Et, et en fait, il a reçu tout simplement un ordre de comparer devant la justice milicienne. Et vous savez comment ça marche. Avocat dueliste, c'est de l'argent. Sinon, il faut se représenter tout seul, on risque de mourir. Et il aurait fui. Je vois. Ouais, et... À ce qu'on raconte, il serait parti dans l'extrémité vraiment basse de la ville pour éviter qu'on le retrouve, vu que aucun agent ose descendre aussi bas. Mais bon, vu les conditions de vie, j'espère pas, parce qu'il risque de mourir plutôt du bonne crève avant la fin du mois. C'est encore moins sécurisé que faire face à un avocat dueliste. C'est très gênant. C'est gênant... Oui. Je trouve que c'était un homme bien. Moi, j'ai souvent travaillé avec lui, vous savez, des années que je le connaissais. Bon, surtout qu'il a rien fait, mais bon, il a toujours été un peu malchanceux, fallait que ça tombe sur lui. Voilà, j'imagine, il n'aurait pas monté comme ça la hiérarchie, il serait pas peut-être fait remarquer. Ah, c'est vrai. Bon, eh bien, merci pour l'information, alors. Eh bien, pas de soucis. Si vous avez vraiment besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas, hein, et tu vois qu'il tend la main. Je lui serre la main. Et je m'en vais. Tu serres la main, et en fait, tu sens qu'au moment où tu vas détacher, il serre. Et tu vois qu'il tapote dessus avec son nom de... Hésitez, surtout pas, hein. Très bien. Bah du coup, je sors... mon couteau et je le plante. Ok. Oh, merde. Oh, putain. Ouais, bien sûr. Bah, je vais m'arrêter dans mon mouvement, du coup, vu que j'allais pour partir et que lui, il m'a retenu. Et je vais tout simplement lui dire oh, ne vous inquiétez pas, si j'avais quelque chose à vous demander, j'hésiterai absolument pas. Maintenant, à la prochaine, sûrement. Très bien. Tu vois qu'il te lâche pas la main. Il est en mode oui, oui, c'est bien. Et... Vous savez, je travaille souvent pour de bonnes récompenses. Après, tu peux essayer de forcer, hein. Pour l'instant, moi, je pars du principe que pour l'instant, tu forces pas. Vous avez l'air assez insistant comme personne. Est-ce que vous avez des connaissances, des personnes que vous connaîtriez qui seraient plus bas même dans la ville? Vous entendez ce qui se passe plus bas par là-bas? Ah, il y a effectivement pas mal d'ouvriers qui sont déjà dû descendre parce qu'ils n'ont pas réussi à trouver de quoi survivre ici même, mais... Vous savez... C'est la vie. Mais bon, ces gens-là, ils savent juste pas demander une récompense lorsqu'ils donnent une information, vous voyez ce que je veux dire. Tu vois qu'il retapote sur ta main. Qui est toujours dans la sienne. Très bien, donc de toute évidence, vous n'êtes d'aucune utilité et vous n'avez été d'absolument aucune utilité à ma volonté, donc je ne vois pas pourquoi vous auriez une récompense. Non, je vous prie. Mais dans lâchez-moi, vous aurez une récompense avec de la poudre. tu vois que à ces mots, ça lui fait quand même un choc. Il lâche par autodis. Bah, enfin, monsieur, enfin, vous savez, grâce à moi, vous retrouvez Roland dans le planning. Je récompense l'utile et je m'en vais. Tu tournes le dos, tu t'en vas. Tu vois qu'il arrête d'insister. Ta menace lui a fait vraiment un peu froid dans le dos. Et tu t'éloignes. Tu reprends ton petit vélo. C'est dommage que t'aies pas gardé la bouteille d'absinthe, t'aurais pu lui donner. Je suis fracassé. Est-ce que tu as un autre plan? C'est juste pour savoir comment j'organise mes musiques. Cornilove, est-ce que tu décides de te préparer pour la soirée ou est-ce que tu comptes faire autre chose avec les dernières informations que t'as obtenues? Il faut dire que mes plans sont assez foutus du coup par rapport à ce que j'aurais bien aimé pouvoir faire. Et la très basse ville n'est pas vraiment un lieu, il me semble, que j'ai déjà visité, ne serait-ce que même qu'en la traversant. Vous êtes allé une fois, vous êtes dû passer par la très basse ville pour atteindre les îlots qui servaient de... Ah, j'ai oublié le terme, je suis désolé. Là où on brasse la bière, c'est une... Brasserie, distillerie, merci. Pour aller aux distilleries d'Aguido des voleurs, les deux sœurs jumelles, pures et égarées, dans lequel vous avez effectué votre mission il y a 7 mois de ça. C'est une des rares fois où t'es allé aussi bas dans la basse ville. Tu viens de me faire penser du coup que je connais une personne qui a sûrement au moins quelques contacts dans les souterrains de la basse ville. C'est mon pote, chef de guide. Oleg. Je pose la blague parce que je connais la réponse, mais de quelle guilde déjà? Je connais l'adresse de son bureau. Tout à fait, tu connais l'adresse de la distillerie. Ça fait quand même... C'est la première fois qu'on en parle en session, donc je peux même dire ça pour les gens de YouTube. C'est une des rares fois où je vous parle directement, mais ils ont quand même réussi à faire une mission sans savoir pour qui ils bossaient. Mais bon, c'est pas très très grave. Ils ont une guide dans la poche à qui ils sont amis, mais ils savent pas c'est qui. On va passer la guide del Polski d'Evento. C'est leur nom. Esther, tu es remontée du coup pendant ce temps-là au QG. Ouais. Tu es rentrée. Sophia était tout simplement en train de s'occuper comme elle peut. À vrai dire, elle a essayé de s'acheter un petit jeu, un petit truc comme ça. C'est de la ficelle sur laquelle elle peut jouer. Il faut avouer que malheureusement, oui. Bon, c'est quand même une. Exactement, comme Corny Love. Bon, c'est quand même un QG de travail à la base, le QG Indigo. Et c'est vrai que bah, du coup, pour la vie de tous les jours, quand tu y restes à H24, c'est peut-être un peu ennuyeux. Elle compense par le fait que c'est un lieu sécurisé, mais du coup, voilà, tu la vois souvent oui. s'occuper avec des petits trucs pour essayer de passer un peu le temps. À droite à gauche, ouais. Et c'est pour ça que, généralement, quand vous êtes là, elle aime bien discuter, parce que c'est quand même agréable pour un être humain d'avoir des contacts, tu vois. Qu'est-ce que vous faites de beau? Tout à fait. Tu vois, genre, elle lève la tête, elle te dit bonjour, elle va se lever vers toi, tout ça. Fait. Oh, je réfléchissais, vous savez, la dernière fois, vous m'avez un peu parlé de là où j'aimerais aller, et... J'étais dans mes pensées à m'imaginer un peu comment ça puisse être. Et alors ? Bien. Qu'est-ce que vous en avez conclu ? Je reste toujours très séduite par le Gloriana, mais je pense que je vais peut-être faire un détour et voir un peu ce qui se trouve en Antipoli. Et en Pantapoli, si je ne sais pas vraiment comment ça se passe. Le plus important sera évidemment ma survie, mais je suis très intéressé quand même de voir un peu les traverses, la vie là-bas. Je suis presque sûr que la vie nomade doit être envisageable. Oui, ah, ça c'est sûr, oui. On ne manque de rien. Enfin, de presque rien. Oui. Enfin, c'est sûr que par rapport à la vie dans la ville, ça doit pas être si manquant. Il y a toujours... Est-ce qu'il y a des choses qui me manquent du quotidien, soit de la ville dont je pourrais plus me passer, parce que j'ai du mal à m'imaginer exactement. Bah, à vrai dire, c'est vrai que c'est des styles de vie extrêmement différents. Ouais. C'est très bien, si on se permet de parler un peu contexte. Mais en soi, il n'y a pas de différence vraiment technologique, mis à part à un domaine précis, mais en fait, il vient pas. C'est les provinces de d'Olmune. Hein. Qui sont gérés peut-être par les seigneurs traversiers qui sont anti-technologie totale hein, et qui eux ont renié toute technologie, y compris les armes à feu, etc. Mais tu viens pas de cette zone-là. Toi, tu viens d'Antipolis, si je me trompe pas. Sinon, désolé, je me confonds avec. Non, c'est bien ça, c'est bien ça. Ok, parfait. Donc, toi, tu viens d'Antipolis. Et c'est vrai que bah, du coup, voilà, les traverses sont pas forcément régies par des seigneurs traversiers old school. Alors, effectivement, il y a quelques différences avec la ville, mais c'est vrai que. La différence, en fait, c'est surtout le mode de vie. Par exemple, Kornilov a vécu dans un petit village dans lequel il a été vraiment isolé de tout. On a déjà parlé, mais par exemple, Metalum a vécu la révolution ouvrière. Kornilov en est quasiment pas conscient. Il le sait, parce que voilà, il l'a entendu de loin, mais lui, il a pas du tout vécu la chose, parce que voilà, il est vraiment isolé. Là où la ville a un impact vraiment très, très fort, très émotionnel, parce qu'il y a vraiment beaucoup de gens tout le temps. En fait, c'est vraiment le côté humain qui change. Mais voilà, après, il n'y a pas de différence sur la technologie. Il y a une différence sur ce qu'on mange, parce qu'il y a des choses qui sont plus faciles à faire pousser dans des villes où il y a des jardins suspendus, tout ça, que dans les traverses. Notamment, voilà, les traverses, je vous en avais parlé dans le one-shot. Le serpent est une nourriture, certes, très privilégiée, mais qui existe sur les traverses, qui existe très très peu en ville, hein, parce que les serpents vont assez peu en ville, finalement. Donc tu vois, c'est vraiment des différences minimes, tu vois, y a c'est deux mondes différents, et en même temps, bah, ils ont toujours les mêmes contraintes, en fait, de matériaux, toujours les mêmes contraintes de surpopulation, ce genre de choses. Donc, honnêtement, est-ce qu'il y a quelque chose qui te manque, étant donné que tu viens d'Antipoli, tu viendrais des principes d'Olmune, ce ne serait pas forcément... t'aurais forcément peut-être plus de différences, tu vois, tu sentirais vraiment la différence entre les gens qui ont... un vécu un peu plus moyenâgeux, entre guillemets, avec vraiment des trucs à l'ancienne, des armes, vraiment le corps à corps, c'est absolument tout. Ils n'ont pas d'armes à feu, etc. Et là, tu arrives en ville où d'un coup, tu as des métropolites armées qui peuvent te mettre en joue. Mm. Mais en fait, toi, tu n'as pas vécu un tel changement. Donc, en fait, ce qui te manquerait peut-être, c'est peut-être le côté. Effectivement, toi, tu as été. J'ai utilisé le mot il y a 2 minutes, je l'ai déjà oublié, excusez-moi. Enfin, tu bougeais souvent. Donc ça peut peut-être manquer en soi, le fait que tu sais sédentarisé, mais d'un côté, comme tu bouges beaucoup en elle-même dans la ville, ça peut compenser. Après, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui te manque? Je pense pas que ça soit vraiment différence ville-traverse, que ça soit plutôt en fait quelque chose peut-être de personnel, par exemple ta famille, tes relations, qui était marchand, qui allait jusqu'au Gloriana, etc. Tu vois, ça a plus de ce terme-là dans ton vécu que vraiment de... J'ai découvert un autre monde qui est totalement différent. Et c'est bien parce que ça me permet d'insister un peu plus. Voilà, c'est... Et en fait, c'est ça qu'il faut vraiment comprendre, c'est que même si c'est deux mondes différents, bah, ils sont quand même régis par les mêmes contraintes, et donc du coup, en fait, ils se ressemblent quand même pas mal malgré tout. C'est juste que la ville, c'est un assemblement, c'est là où il y a... c'est là où il y a les gens qui se retrouvent, il y a énormément de travail, il y a des trucs, genre par exemple les métropolites, c'est des forces qui existent dans les croisements et dans les villes. Hein. Et forcément, tu vois, sur un petit village de traverse... tu vas pas avoir des métropoles, tu vas pas avoir une organisation comme ça hiérarchique avec toutes les guides, tous les trucs comme ça. Ça va être beaucoup plus simple, hein. Mais d'un autre côté, c'est, tu vois, ça a ses avantages et inconvénients. Voilà, je sais pas si ça répond comme il faut à ta question. Bon, ça répond parfaitement à ma question. Bah du coup, c'est globalement le genre de choses dont je vais lui parler. Oh, vous savez, en effet, plus exactement du coup, exactement qu'est-ce qu'on avait dit juste avant, mais en soi. À part socialement, vos contacts, votre famille, vos amis, vous ne perdrez pas grand-chose sur les traverses, et ça tombe bien, ce que vous perdez, c'est ce que vous cherchez à fuir. Donc. C'est exactement ça. C'est... Ouais. Ça va me faire du bien de me détacher de toutes ces choses-là qui me pesaient. Et je vous l'avais déjà dit, mais si un jour on se croise, c'est ces énormes traverses... Je vous rendrai l'appareil comme je. Bien plus que je ne peux le faire maintenant. C'est fort aimable, c'est fort aimable. D'ailleurs, je ne sais pas si nous vous l'avions dit, mais nous sommes en train de gérer les derniers préparatifs. Nous allons retrouver notre contact ce soir même pour obtenir les papiers. Cela devrait donc être une question de jour avant que vous ne puissiez enfin quitter la ville. Eh bien, j'en suis tellement... tellement ravi. Je n'ai pas, même pas assez de mots, en fait, en ma connaissance pour vous remercier. Vous me soulagez énormément. C'est... Bon, c'est normal, après tout. Tu vois qu'elle est... toute souriante, tu vois, elle est vraiment en mode... Tu vois que la conversation, franchement, la rend de plus en plus heureuse, et quand tu compares à son arrivée dans le QG Indigo, où elle était... Où elle était un peu... Enfin, en même temps, oui. Après, ça se comprenait, quoi. Oui, elle sortait d'un événement traumatique, elle était vraiment au bout du rouleau, et c'est vrai que là, bah, du coup, tu la vois de plus en plus souriante, et plus tu as ce genre de discours avec elle, et plus tu vois que ça la soulage vraiment. Bah écoute, je lui rends son sourire, ça fait toujours plaisir. Vu les gens qu'on scoltine toute la journée en général. C'est vrai. Après, ça va, je vous rassure, la plupart du temps, en fait, vous avez surtout des gens qui sont soit dans des délires religieux, ce genre de choses qui leur fait tenir des propos interdits par le scientisme, mais par le fait que vous êtes souvent dans la propagande, vous n'êtes pas le plus... confronté à des connards pour parler de manière que... Ce que tu as envie, même de manière indirecte, hein, si tu trouves ça plus agréable, je peux comprendre, d'aborder un sujet particulier dans la conversation, ou est-ce que tu veux commencer à faire autre chose Non. Je pense en effet, je lui fais un petit peu la discussion. Après, si jamais elle a des questions à me poser ou autre, je lui réponds volontiers. Non, j'essaie surtout en effet de cerner un petit peu sa personnalité en général. Et bah, vu que c'est sans doute une des dernières fois qu'on discute, j'en profite. Bref, effectivement, tu continues de discuter avec elle, vous partez sur des sujets peut-être un peu plus classiques, mais après, c'est vrai que malgré le fait que maintenant ça va faire quelques semaines qu'elle est tout le temps chez vous, bah, vous travaillez, ce genre de choses, et bon, il y a toujours un peu entre vous un mélange de. En même temps, ça devient de plus en plus chaleureux, mais en même temps, c'est toujours un peu froid parce que bah, malgré tout, c'est pas une grande amie que tu connais depuis des années, forcément, donc ça prend le temps de s'installer. Mais voilà, vous discutez un peu plus classiquement, vous posez des questions sur le travail, sans être invasive, évidemment. Hein. S'il y a des choses que tu veux pas répondre, elle comprend parfaitement et elle insiste jamais. Mais voilà, juste, tu sais, comme une discussion de « Tiens, vous avez fait quoi aujourd'hui au travail ?» Voilà, vraiment, plus discuter que vraiment s'intéresser de manière peut-être un peu louche à vos travaux, ce n'est pas la démarche ici. Alors, je préfère l'indiquer, voilà, vu que je fais un résumé. Oui. Mais voilà, du coup, vous discutez et tu sens bah, que, encore une fois, je te l'avais déjà dit, mais elle est de plus en plus à l'aise avec toi. Mais vraiment, avec toi, tu sens qu'il y a vraiment toujours, dès qu'il y a quelqu'un qui rentre dans une salle ou quoi, avec elle, toujours, tu sais, elle se renferme un peu, tu vois, genre par peur un peu de contacts sociaux. Et c'est vrai qu'avec toi, bah, c'est plus à l'aise, elle y répond plus facilement. Toujours par contre très des formules respectueuses, hein, continue à te vouvoyer, ce genre de choses, mais voilà, elle est quand même de plus en plus chaleureuse hein, avec toi. Intéressant. Il est quelle heure à ce moment-là Là, vu qu'on résume un peu, on va dire oui, un bon début d'après-midi, on va dire vers 1h. Vers 1h, 13h donc. Oui, vers 13h. Okay. Pas 1h du matin, je ne ferai pas rater le rendez-vous sans vous prévenir. Je ne sais pas pourquoi j'ai posé la question. intéressant. Du coup, je lui demande. Dites-moi si jamais vous deviez passer une dernière soirée en ville avant de partir, qu'est-ce qui vous plairait le plus Tu vois que... C'est vrai. Premièrement. Non, j'ai dit en ville, pas en ville. tu vois que savais, la ville est plutôt connue pour un certain lieu et je n'ai jamais pu aller, contrairement à mon père. Et j'ose pas vraiment vous demander, parce que je sais que vous pouvez y aller, mais il y a des fameux jardin suspendu au sommet de la ville. Apparemment, c'est assez magnifique. C'est un endroit magnifique, en effet. On est allé au début, il me semble, en plus. Oui. Ouais. Vous êtes allé plusieurs fois. Et c'est là où je m'étais frité avec... Exactement. Ouais, je me rappelle. Un endroit magnifique, en effet. En repensant à l'altercation. Ce truc qui me fait peur, c'est que c'est maintenant les lieux qui sont bah, côtoyés par mon père et... Peut-être que si... Vous savez, on a quelques déguisements en stock. Peut-être qu'on pourrait tenter quelque chose de vraiment audacieux et de méconnaissable. Pourquoi pas même vous faire passer pour un homme, par exemple. Eh bien, c'est vrai que vous m'aviez déjà déguisé pour aller faire un tour sur le marché... Si vous pensez que ça peut marcher, eh bien j'en serais ravi. Eh bien, si jamais vous êtes amené à passer votre dernière soirée à Venise dans les jours qui viennent, autant en profiter. Tu vois que, tu sais, elle est un peu toute rouge d'émotion. Je sais pas comment vous remercier, vous avez tant fait pour moi, c'est... Oh, ce n'est rien, ce n'est rien. Très bien. Bon, évidemment, la conversation je continue. Je sais plus s'il était prévu que Kornilov débarque à un moment ou à un autre, ou si on se retrouvait là-bas d'acte, on n'a rien dit. Comme d'habitude, on prévoit jamais rien. Bon, je sais que Kornilov a autre chose à faire, mais... après, voilà, de votre côté, la conversation continue un peu comme ça, tu vois qu'elle est vraiment en devenir un peu fan de toi, hein. Tu viens de lui proposer quelque chose, alors yes. Oui Yes, yes, yes. Tu sens que t'as compris un peu comment interagir avec elle. On va repasser sur Kornilov, qui maintenant vient de faire son petit trajet. Ouais, Kornilov, tu viens de marcher jusqu'à la distillerie où vous avez rencontré le fameux Oleg. Eh bien, je te laisse interagir. Comme d'habitude, hein, vous êtes vraiment dans cette petite ruelle, hein, je vous rappelle, quelque chose d'assez serré. comme d'habitude, il y a quelqu'un qui est posté devant, mais porte ouverte, en fait, qui est à l'entrée. Il est assis sur une chaise en train d'attendre, en écoutant de la musique, d'ailleurs. Et dis-moi, du coup, comment tu interagis? Très bien. Eh bien, avant même d'arriver face à lui, j'arrive déjà... disons que je sais qu'a priori, ce qu'il a fait changer d'avis la dernière fois, c'est que j'avais un certain caractère. Donc je pense que j'arrive déjà directement comme si je partais en guerre. C'est-à-dire que j'ai la démarche, la démarche décidée et tout ça. Et une fois arrivé en face du type qui surveille à l'avant, je vais tout simplement commencer avec mon traditionnel « Salut l'ami, je viens voir ton patron. » Eh bien, t'as de la chance, il vient juste de rentrer d'un petit voyage d'affaires. Ah. Vous êtes, en fait ? Je me souviens plus si j'avais donné mon nom. Ce serait con que je ne l'ai pas donné. je suis... Ah oui, vu que d'ailleurs qu'il avait cherché mes grands-parents et tout. Oui. c'est bien, tu t'en souviens. Je suis... Kornil... Vichinski. Ça me dit rien, mais... Ça lui dira quelque chose. Je t'accompagne jusqu'au bas, je verrai ce qu'il dit. Tu vois qu'il se lève, il éteint la musique, enfin il retire le sonographe, le gramophone qui est en train de tourner. Et du coup il t'accompagne. Il a pas l'air évidemment hostile en fait, c'est juste qu'il t'accompagne comme il te l'a dit, juste par sécurité, parce que bon voilà. Après c'est une distillerie, il n'y a pas non plus 40 milliards de trucs super dangereux. Mais bon, comme ils ont vécu un empoisonnement il y a 7 mois de ça, tu peux comprendre qu'ils sont quand même un peu suspicieux de qui rentre chez eux. C'est normal. Vous traversez, comme avant, les deux étages, vous passez par les salles de distillerie, etc., pour vous trouver un bureau qui se trouve tout au fond, sur lequel l'homme qui t'accompagne toque, t'entends la voix de lui, il fait « Allez, entre !» Il ouvre la porte et il te présente, tu vois, il y a Olé qui te regarde, tu sais, il te fait une petite moue comme ça, ça fait « Ah oui, mais bien sûr !» Ah, installe-toi, tu vois, qui se lève immédiatement, qui va chercher un petit cognac, et qui s'assoit, sortant deux verres. Ça fait longtemps que je t'avais pas vu, dis donc. Très longtemps. J'ai entendu dire que tu reviens d'un voyage. Ouais. Quelques petites affaires à régler sur un petit village traversier non loin. Je vois. Les affaires se portent mieux, j'imagine, depuis notre dernière rencontre. Bah ça, effectivement, ça se porte mieux. Bon, je vais être honnête avec toi. Je suis pas seulement venu pour te passer le bonjour. Tu devrais de temps en temps quand même. Oui, j'ai eu quelques. Que moi, on dit bien moi, non? Tu me fais douter. On dit teinte. Ouais, mais c'est pas des teintes qu'on a passées. Non? Ouais, non, attends. Lune, voilà, excuse-moi. Si j'ai pas de bêtises, lune c'est le mois et teinte c'est le trimestre, quoi, la saison. Ouais, ça fait que j'ai eu quelques lunes assez occupées, je l'avais, mais t'as jamais quitté mes pensées. Tu vois qu'il a un gros sourire, ouais. C'est ce qu'on dit souvent. Bon alors, que me vaut ta visite? Eh bien, j'ai des problèmes en ce moment. Il y a un gars qui je dois parler, qui a priori a disparu. Et c'est pas forcément ton domaine, je pense, vu que tu gères surtout une distillerie. Mais je me demandais si t'avais pas quelques contacts qui pourraient me mettre utile dans sa recherche pour ce qui est du plus bas de Venise. Bon, ça c'est pas très difficile, parce que tu sais, on n'est pas qu'une distillerie, hein. Faut bien une guide qui fasse tourner tout ça. Non, mais y a pas de souci. Dis-moi qui tu cherches, hein. Je peux le trouver assez facilement, on a un peu... un peu des gens partout qui bossent pour nous. Je cherche un certain Rolando Piani. Si ça peut t'aider en termes d'information, il travaillait à l'usine Benedacci, qui a fermé il n'y a pas si longtemps que ça. Et il a été pendant un très court instant le gérant de cette usine pour Benedacci. Ah, je vois. Donc, tu cherches l'ancien gérant d'une usine qui a fermé, qui s'appelle Rolando Piani. Oui. Ok. Il est chauve, si ça peut t'aider. Ouais, on se reconnaît souvent entre amis. Bon. Eh ben écoute, je peux faire ça pour toi. Par contre, bien que je t'aie énormément dans mon estime, ce sera pas forcément gratuit. On considère un service. Je te demanderai du coup, retour de service, un de ces quatre. C'est évident. Ouais, d'ailleurs, où est-ce que je peux te contacter si moi, un jour, j'ai besoin de toi ? Eh bien, je passe très souvent, comme tu le sais déjà, au Hurleur. Oui, notre bar. Oui, je pense que ce serait le plus pratique pour qu'on puisse rester en contact sans éveiller des regards un peu trop indiscrets. Je vois. Tu fais gaffe à tes fréquentations. Je fais surtout attention à ce que je fréquente un peu trop, a priori, pour le moment. Bah, je ferai passer là-bas l'information si jamais je te cherche un jour. Bon, je t'avoue, il n'est pas impossible que je te demande de rendre un petit service pour la guide ci et là, comme vous l'avez déjà rendu si magnifiquement précédemment. Oui, et ce sera rempli avec autant de savoir-faire la prochaine fois. C'est bien, c'est bien. D'ailleurs, malgré tout, entre nous, Sofiane a quand même dit que ça faisait quelques temps que t'avais pas mis les pieds. Je crois pile au moment où ça arrêtait de devenir gratuit. Tu serais pas en manque d'argent. Eh, tu vois qu'il commence à avoir un gros rire bien, bien beauf, tu vois. Genre le... Eh. Ah, je dois avouer que j'ai des fins de lune difficiles en ce moment. Ah, je peux comprendre. Tu sais, vu que t'es un grand ami fidèle de la guide des hurleurs, si jamais... si jamais un jour tu veux rendre service dans les vrais services de la guide, il y a moyen, c'est plutôt bien payé. Est-ce que je peux demander à notre conteuse si je sais quelque chose sur la guilde des hurleurs ? À quoi ça sert ? Eh bien, tu peux faire un jet d'urba technologie. Bon, je vais pas réussir parce que je suis nul. Exactement. Hop, 7. C'est peut-être pas si mal que ça. Tu réussis pas un jet facile avec 7. Ah. Je me souviens pas de l'ordre. C'est en tout, hein, t'as compté ta compétence. Oui. Ah ouais, d'accord. Eh bien, à vrai dire, bon, déjà tu réalises que c'est la première fois que t'entends le nom, en fait, qui est vraiment dit. C'est vrai que t'as l'habitude d'aller au bar du Hurleur, mais tu t'es jamais dit que le bar s'appelait comme ça, parce qu'il appartenait à Guy des Hurleurs. T'as pas vraiment fait le lien. Alors, en même temps, c'est normal, parce que c'est vrai que c'est une guide qui est assez discrète. Au point que tu n'en as en fait jamais entendu parler. Mis à part indirectement par le bar ou ce genre de choses. La distillerie des hurleurs. Mais quelle est la véritable activité ? Je vois. Tu ne sais pas. Ok. Eh, bah, du coup, je lui réponds. Et je garderai ça en tête, donc. Et ce sera avec plaisir si ça arrive. Bien, bien. Bon, moi je vais te le chercher là, ton Roland. Rolando Piani. Yes. Excuse-moi, faut que je répète quelques fois pour que ça rentre. Ouais, Rolando Piani. Je sais pas forcément très bien lire, je t'avouerai, donc ça sert à rien que. Mais enfin, je te le retrouverai et je te contacte, on passe assez régulièrement au bar. Sofiane te donnera des nouvelles. Ça marche très bien. Ben, je suis assez pressé, donc je pense que je vais pas tailler la causette avec toi aujourd'hui, en tout cas. Ah, je connais ça, t'inquiète pas. Bon, finis au moins ton verre. Tu vois, qui prend son verre, lui, il lui fait un cul sec. Moi, je vais l'imiter, écoute. Tu prends un cul sec. Tu viens de commencer la journée avec de l'absinthe et du cognac mélangé. Sauvagé, Cornilo, tu vois. Je vais arriver au rendez-vous. Foutu. J'espère juste que tu comptes pas avoir beaucoup d'autres contacts de la même manière. Non, mais du coup, je vais me lever. J'imagine que je vais tendre ma main vers la sienne pour la serrer. Ah, mais il te la serre toujours de manière. D'ailleurs, à manière, non seulement il te la serre, mais en plus il te tire vers lui pour te faire une petite. Enfin, oui, c'est ça, vers lui. Pour te faire une petite... Il veut pas te lâcher tant que tu payes pas. Non, ça va, ça va. Oleg est un homme plutôt bien placé pour ça. Mais voilà, n'empêche que il te tire vers toi alors que tu t'apprêtais à te retourner. Fait, ah, attends, et hop, il te fait une grosse accolade. Hein. Et puis il te relâche sans aucune effort, bien entendu. Ma chère Esther, du coup voilà, il y a eu la conversation, etc. Et je voulais savoir du coup, bah, qu'est-ce que tu comptais faire le reste de ton après-midi, parce que bah, celui de Cardiov était plutôt bien rempli pour l'instant. Ouais. Mais toi, tu vas peut-être, enfin, tu vas pouvoir continuer à discuter, mais tu peux faire d'autres choses en même temps. Donc, est-ce que tu as un plan ? Je vais continuer à discuter, en effet. Déjà, tu m'as dit du coup, elle était plutôt, elle semblait vraiment en confiance. Oui, vraiment t'as. Avec toi, ça du coup, marche. Au bout d'un moment, bah, je sais pas si jamais c'était pas déjà fait, je m'emballe plus. Je lui propose qu'on aille se poser au niveau du canapé qu'on a au niveau du salon, qui est sans doute le coin le plus confortable, vu qu'on est faiblement meublé pour l'instant. Mm-hmm. Et du coup, j'essaye de voir si jamais elle est relativement tactile ou pas. En mode, par exemple, juste sais si je passe ma main vers son épaule ou autre, est-ce que ça la fait réagir ou pas. Alors, en quel sens tactile j'ai besoin de savoir. Est-ce que. Ouais. Non, je te voilà, il y a deux interprétations possibles. Est-ce que c'est pour voir tactile ou voir si... Non plus. Non mais évidemment, voilà, je mais il y a quand même deux façons de tester le truc, c'est pour ça que je te pose la question. Est-ce que c'est en mode est-ce qu'elle continue toujours à avoir un peu peur des gens parce qu'elle avait fait une crise de panique la première fois que tu es entré en contact avec elle, donc c'est un petit peu ça l'idée, en effet, genre ce que je dis en mode c'est genre je sais pas dans quel cas c'est compliqué parce qu'on n'a pas beaucoup d'environnement autour, mais genre par exemple si j'essaie de choper un truc, est-ce que ça semble la faire réagir ou pas, ou au contraire elle semble s'en moquer parce qu'elle est suffisamment en confiance pour. Deux informations du coup tu viens de m'y faire penser, mais c'est vrai que dans l'après-midi on va peut-être en discuter avec avec Sophia. Il y a quelqu'un qui a toqué et je te le fais en indirect, mais je reste avec Sophia. Personne nous dérangera. Oh, fais chier, on revient demain. Là, c'est Cornilov bourré derrière. C'est qui a oublié le code. Je suis presque sûr qu'il a oublié le code. Désolé. Mais ça, c'est trop bien. Je vais faire des jets d'intelligence pour voir si mon perso a oublié le code d'une session à l'autre. Mais du coup, c'est juste en fait un messager qui est venu prévenir que d'ici deux jours, en fait, il y a la livraison des meubles commandés qui va arriver. Voilà, c'était dans les trucs qui devaient arriver. Bon, je te le fais en indirect parce que voilà, c'est pas plus intéressant que ça. Et de l'autre côté, là, pour répondre à ta question, voilà, si effectivement tu cherches le tactique juste pour voir si elle continue d'avoir peur, mais pas forcément dans le flirt, effectivement, par contre, elle semble pas avoir des mouvements de recul si tu... Bah, tu passes ton bras vraiment très proche d'elle, tu vois, elle va juste continuer à avoir de l'information. Typiquement, je sais pas, vous avez une petite boisson, voilà, bah, t'arrives à l'attraper sans qu'elle sursaute. C'est vrai que c'est une vraie différence qu'il y a par rapport à avant. C'est encore une fois, au tout début, quand on l'a récupérée, elle était vraiment en syndrome post-traumatique. Oui. Et c'est vrai qu'elle était vraiment très recroquevillée, très seule. Et vous avez d'ailleurs très bien réagi en la protégeant et en la laissant quand même tranquille. Mais c'est vrai que maintenant, voilà, tu sais qu'avec toi, en tout cas, elle est vraiment. Voilà, elle s'en fiche si tu passes vraiment à côté, très proche d'elle, etc. Ok. Du coup, dans ce cas-là, pendant qu'on discute, sans doute que je lui sers un petit coup à boire, un truc comme ça. Il me semble pas qu'on ait d'alcool. Alors, si, parce que je me souviens très bien que vous avez dit que dans votre fameux placard qui sert normalement à ranger les enquêtes, vous avez un truc spécial pour les boissons, dont de la Ok, d'accord. Et du coup, en plus, j'avais ramené l'absinthe, normalement. Vu que quand il avait ramené l'absinthe. Voilà. Parfait. Du coup, il va y avoir ce moment où je vais me lever en mode je vais nous chercher à boire, ne bougez pas. Et où je me dirige du coup vers l'endroit où on a entreposé l'alcool. Et où je panique complètement parce que Esther n'a jamais fait un cocktail de sa vie ni quoi que ce soit dans le genre. Et où du coup, je tente un truc. Très bien. Ouais, genre je mélange des couleurs qui ont l'air d'être complémentaires, des trucs comme ça, et puis bon, sans non plus mélanger 4000 bouteilles dedans, mais je me dis, ouais, faut que je fasse un truc qui a l'air sympa. Très bien. Alors, Si on a un je vais truc quand même te sucré aussi à demander, rajouter dedans, ouais. je vais te demander un petit jet. Et c'est un Yes. jet très précis de créativité. De tir. Ah, créativité, c'est pas con ça. Ouais. Ok. T'as vu? Sachant que, Yes. n'oublie pas, tu as des possibilités hein, d'améliorer ton jet. Oui, ouais, j'y ai pensé parce que je me dis je peux dépenser les 2 points. Créativité, on le jette pas tous les 2 secondes, donc je peux m'en passer. Bon, ah, j'ai fait 6 et 2. Ah, j'étais content quand j'ai vu le 6. Alors, attends, 8, 9, 10. Ouais, ça te fait 10 au total. Ouais, c'est quoi? Allez, je passe à 12. Donc, alors. Soyons beaux jeux, la Esther, elle est. Ah, attends. Vu que tu veux passer à 12, du coup, c'est un point d'XP que tu dépenses. Ah, d'accord. Parce que le dépassement de soi, c'est avant le jet de dés. Ah, mince. Ok. Le dépassement de soi, c'est le truc qui fait descendre la créativité, c'est ça? C'est ça, le Non, on est dépassement de soi, d'accord. c'est ce quand tu Ah, dépenses. merde, ouais. Est-ce que tu m'autorises pour le beau jeu à le faire avant? Parce que du coup, si je sais que j'ai oublié ce détail, mais j'aurais fait avant du coup, parce que pour le coup, Ouais. créativité, on s'en sort jamais, donc je Pour sais le que. beau jeu, je l'accorde parce que c'est une session à deux, tranquillou. Ok. Et du coup, Mais je descends. gardez ça à l'esprit, surtout, je sais pas, vers les saisons climax où il risque d'avoir des combats. Oui, bien sûr, ouais. Je dis Je descends ça. un ou deux. Ok, donc du coup, 12 qui est une très bonne réussite. D'accord. Tu mélanges un peu les alcools et là, tu fais un peu pareil, ta vibe d'artiste, tu vois. Tu te dis, voilà, faut que ce soit beau dans Yes. le verre. Tu ne sais pas ce qui est bon, mais au moins tu sais si tu sauras ce qui est beau. On a des Et jus que je mets autour du verre et tout. exactement. Et tu vois, petite présentation avec une petite plume d'albâtre dans le verre, voilà quoi. Le petit truc Parfait. la plume d'albâtre, c'est comme les parapluies chez nous, hein, voilà. Oui. Tu mets ça, hop, c'est joli. Et tu goûtes quand même avant de lui donner, parce que je suppose que tu veux quand Oui, même. en secret, hein, pas devant Oui, voilà, bah t'en rends préparé. elle. Tu goûtes une mini-gorgée et tu es abasourdi devant la qualité gustative de ce que tu viens de composer. Ok, je Tu te note dis. de côté déjà dans ma tête. Exactement, tu te dis qu'il faudrait peut-être mettre de côté l'idée de la recette. Par chance, ton palais mental d'ingénieuse marche plutôt bien, donc c'est le Oui. genre d'information que tu arrives très bien à enregistrer. Et du coup, je vais l'appeler le Benedacci. Oh, c'est beau. Benedacci. Et je vais marquer cocktail. Ah, c'est si bien. C'est rigolo, comme ça je peux le refaire de temps en temps. Eh bien, tu as maintenant deux verres de Benedacci dans les mains, et je te Yes. laisse du coup lui apporter. Alors, en secret, je goûte dans les deux pour voir lequel est le meilleur. Et évidemment, c'est celui-ci que je lui sers. Très bien. Tu lui donnes le meilleur cocktail des deux. Qu'elle accepte. J'imaginais, désolé mais ça me fait rire, la scène où Kornilov débarque complètement bourré et il prend avec un verre à la main, le pro fait oh, merci beaucoup et le descend qui sec, tu sais. Voilà. Soit, tu lui donnes du coup. Est-ce que tu en profites pour lui dire quelque chose ou... En effet, je commence à lui parler, tu sais, à me confier un petit peu, montrer un peu plus chaleureuse, à moins parler boulot professionnel, tu vois. Vraiment essayer de rentrer dans ce jeu un petit peu qu'elle est en train d'instaurer d'amitié, de on brise la glace, tu vois. Et du coup, à ce moment-là, si je vois que pareil, elle est réceptive, cette fois-ci, je vois si ça la dérange du coup que je sois tactile, mais du coup de manière beaucoup plus directe. En Oui. mode pareil, vraiment limite main dans la main ou un truc comme ça, tu vois. Eh bien, à vrai dire, ça va se jouer au jet de dés. Ça va se jouer au jet de dés. Et donc, ça va être une confrontation. Et oui, parce qu'on fait toujours des confrontations. C'est vrai que dans les crimes. C'est vrai que dans les crimes. Non, mais. Quand ça me battre, c'est tactile des Surtout points. connaissant le passé de l'autre, ça serait vraiment horrible, quoi. Non. Mais c'est vrai que vous êtes assez. Enfin, c'est vrai qu'il y a assez peu de confrontations dans cette campagne des crimes. Oui, c'est vrai, ouais. En fait, c'est très lié à cette geste en elle-même. Parce que je voulais vraiment quelque chose de très roleplay et voilà, mettre un peu de côté le système de jeu. Le temps que vous y habituez, la prochaine sera un peu plus dans le système. Mais du coup, On va devoir faire une petite confrontation sociale. Une petite confrontation sociale. Parfait. Et donc, je te demande de lancer deux... Enfin, oui, 4d6. Voilà. Ok. Okay. Il y a un dé qui est passé derrière ma table qui vient de se coincer derrière le radiateur. Je vais le chercher plus tard. Ok. On est d'accord, je suis pas obligé de faire une couleur dans l'un, une couleur dans l'autre. Je peux faire un de chaque. Ah non, non. Ce qui compte, c'est juste que tu as séparé à la fin 4D. Donc du coup, tu me dis qu'est-ce que tu as vraiment en offensif et en défensif, même si c'est pas les termes officiels. J'ai fait 6, 6, 3, 1. Ah, donc tu peux être très très offensif. Mais du coup, virtuellement, ça fait quoi si jamais je mets 12 en accomplissement et 4 en préservation? Bah, en fait, vu qu'on est dans un truc social, faut vraiment voir ça. En fait, c'est une interaction. Donc, 12, ça veut dire que tu vas être très avenante. Tu vois, tu vas vraiment montrer, du coup, ta volonté d'eux. Mais tu vas être très peu défensif. C'est-à-dire que si jamais elle commence un peu à te rejeter, C'est vrai que j'ai du mal à imaginer ça dans un contexte social. Ouais, du coup, oui, c'est pour ça, mais moi aussi, je t'avoue, c'est pour ça que je laisse le temps de le système de vraiment s'imprégner de nous, parce que comme en plus Eclipse, ça va être très long, du coup j'en profite. Donc moi-même, hein, je tatillonne encore, malgré le fait que c'est la 13e session. Mais du coup, si jamais voilà, elle te rejette, tu as prévu très peu de défense. C'est-à-dire que tu pourrais très bien avoir une excuse ou quoi, tu pourrais mettre beaucoup en défense que si jamais... elle te rejette, donc, tu vois, dans un contexte social, donc du coup, que voilà, tu pourrais trouver la phrase pour rebondir et tu vois, rebondir, ne pas c'est pas ce que vous croyez, vous vexez pas, c'était. Ouais, voilà, tu vois, ça peut être quelque chose de comme ça. D'accord. Là, si tu mets tout en... Voilà, si tu rates, c'est le gros malaise, c'est ça. Mais après, tu vois, tu pourrais mettre beaucoup en défense, tu vois, tu pourrais équilibrer les deux pour te dire que voilà, si jamais elle rejette ça, qu'elle a une meilleure défense que toi. Bah en fait quand elle va essayer de du coup bah je sais pas elle te repousse quelque chose du genre et bah tu t'as la petite phrase t'as le petit truc de ah mais non mais c'est parce que tata et puis si ça marche voilà ça marche ça débloque la situation là on est dans le contexte social c'est vrai qu'on est plus habitué que la confrontation soit vraiment du combat et que c'est ta vie qui est en jeu directement après c'est plutôt différent c'est plutôt un c'est vraiment en fait ta santé sociale quoi là pour le coup ouais c'est ça je voulais dire donc Mais du coup, rigolo de mettre 12 d'un côté et 4 de l'autre. Bah, clairement, après, ça veut dire que t'as plus de chances de réussir parce que ça veut dire qu'elle faudrait qu'elle fasse une énorme défense pour te contrer. Ouais, c'est ça, parce que 12, c'est le maximum. Est-ce que c'est additionné à une autre compétence d'ailleurs ou pas? Oui, c'est additionné. Tes gestes sont toujours additionnés à la compétence en jeu. Et c'est laquelle actuellement? Et très bonne question, présentation, je l'avais moi aussi oublié. J'imagine que c'est la représentation, non? Peut-être pas. Non, attends. Non, c'est clairement Faconde. Faconde, c'est clairement ça. Ah, et j'ai 0 en plus, en fin de compte. Non, mais je vais mettre les 12 d'un côté et 4 de l'autre. En vrai, dans tous les cas, quoi qu'il se passe, ça va être vraiment rigolo. Ok. Alors attends, moi je calcule mes trucs. Ok. Parce que du coup, elle y fait à fond. Si jamais ça passe pas, ça va vraiment être le malaise. Oui. C'est-à-dire que là, pour le coup, t'as quand même assez direct dans tes attentions, tu vois. Genre. Ah oui, bah oui, là, oui, du coup, je pense que. Bah, si jamais, comme je dis, les premières étapes passent aussi, quand même. T'attends quand même de voir si la personne est réceptive. Oui, bien sûr. Mais voilà. Dans quand tu t'approches, tu vas pas. Oui, non, évidemment. Bien sûr, étape par étape, mais voilà, t'es quand même très sur. Sur l'offensive, c'est toi qui vas prendre le truc en main et tu tentes des choses. C'est Kornilov peut débarquer d'une minute à l'autre. Voilà, c'est ça. Et du coup, tu me dis, faut profiter. C'est le moment ou jamais. Et c'est vrai que comme Kornilov, en plus, dort là, vous avez très peu d'intimité, vraiment toutes les deux. Donc. Malgré tout. Je dors à un autre étage quand même. C'est vrai que tu dors à un autre étage. Malgré tout, du coup, je regarde les. Excuse-moi, parce que en même temps, je vais faire le calcul. Il y a les bras de qui passent toutes les deux nuits et qui essaient de rentrer aussi. Bon, pas ouf. Franchement, on a connu mieux. Un alcoolique à l'étage, un psychopathe qui essaie de rentrer tous les deux soirs. Ça, c'est sans sécurité. Très très bien. Du coup. Tu commences à tenter, voilà, t'es un peu plus tactile, tu vois, genre vraiment apprendre. C'est je fais très peu de parallèles au cinéma, mais là je vais en faire un. Mais c'est même pas du cinéma en plus, c'est de la télévision. Hélène et les garçons, vraiment, ce gros plan là de la main qui arrive vers l'autre, très délicatement, doigt par doigt. C'est exactement ça. Vos mains sont magnifiques. Exactement. Du coup, t'as ça venant dans tes propos. Et tu vois que au début, elle a un petit recul, tu vois, genre elle s'y attendait pas, tu vois, elle est en mode qu'est-ce qui se passe, mais pas un recul non plus énorme, tu vois, elle te repousse pas la main, etc. C'est juste, tu vois qu'elle, voilà, elle se recule un peu, mais elle te laisse faire, tu vois, elle est en observation. Tu continues du coup à être plutôt avenant au milieu de la discussion, hein. Je suppose que tu continues quand même de discuter. Oui, bien sûr. Voilà, tu commences pas à t'arrêter en plein milieu du truc, donc voilà, il y a la discussion qui commence à se faire, et honnêtement, tu sens que plus le temps passe, et plus ça commence à s'y habituer au fait que tu sois... tu sois tactile. Excusez-moi. Elle commence à s'habituer au fait que tu sois tactile. Et au fur et à mesure que ça passe, tu vois qu'elle se détend vraiment, et que du coup, elle accepte le fait que tu le sois. Parfait, bah c'est ça, tu vois, dans ma tête, je vois bien Esther faire le coup, tu sais, en effet, vous avez des mains magnifiques, vous voyez, les miennes sont ce qu'elles sont, notamment du coup, le fait qu'il y en ait qui soit un peu mécanique. Et puis, en effet, si je vois que ça ne dérange pas plus que ça, tu sais, je vais finir par entrelacer mes doigts avec les siens, et puis si ça ne dérange pas, me rapprocher petit à petit. Et du coup, si jamais vraiment, du coup, elle semble réceptive et que ça matche bien, je pense que en attendant le retour de Kornilov, je vais quand même tenter de l'embrasser au moins une fois pour voir si ça passe. Mais ça n'ira pas plus loin. Non, c'est mignon. Eh bien, je vais quand même te demander une autre confrontation pour ça, parce que. Yes, évidemment. Parce que ta victoire n'a pas été non plus d'énormément de points. Ah ouais. Ouais. Donc c'est pour ça qu'au début elle était un peu froide. Mais t'as quand même réussi. Mais donc pour le baiser, je demande quand même une insistance sur la chose. J'ai fait 3-3-3-2. Bon. C'est un peu plus chaud. C'est compliqué, ouais. Du coup ça me fait 6 en accomplissement et 5 en préservation plus 0 en fin de compte. Très bien. Tu continues dans le même flow, la discussion, voilà, exactement comme tu disais, le rapprochement, tout ça. Et au fur et à mesure, tu dis, bon, c'est peut-être le moment de te lancer. Et... Parce que l'attention est à son comble. Lorsque la tension est à son comble, exactement, tu commences à du coup à te rapprocher d'elle pour pouvoir l'embrasser, mais en vérifiant du coup que bah elle soit d'accord. Hein, voilà, tu fais pas le baiser volé avant de partir en courant. Non. Oui. Et je regarde les scores. Tu vois que au moment où tu allais l'embrasser, elle a un mouvement de recul. Et qu'elle te laisse un peu en plan quelques secondes, et au moment où tu dis merde, c'est peut-être un refus. Je vais reprendre les verres, je vais débarrasser, je vais faire des. Non, je. C'est sérieux, ouf. Bonne soirée. En réalité, tu vois, il y a 2-3 secondes comme ça qui se passent. C'est clairement une hésitation. Ouais. Voilà, il y a une hésitation. Et malgré tout, du coup, c'est elle qui prend, enfin, qui finit du coup de prendre les devants et qui te rend le baiser que elle vient de te refuser sans faire exprès. Je le refuse. Non. Ça serait très drôle. C'est une grosse. Tu recules, tu fais. Mais vous avez pris pour qui? Non, en effet, du coup, bah. Ouais. Là, je lui rends délicatement. Parfait. Un petit moment d'intimité, un petit moment de. Et c'est d'ailleurs un moment assez mignon, parce que tu sais que malgré tout, tu vois, tout ça se passe dans un contexte bien particulier d'une personne que tu ne verras oui, bientôt. Kester sera bientôt amené à quitter, oui. Ouais, c'est pour faire le parallèle avec notre monde à nous, c'est un peu voilà, la petite amourette de l'été. C'est vrai, c'est un peu ça. Oui, c'est vrai. Tu connais la finalité, tu sais que ça ne peut pas durer, mais voilà, il y a un petit truc qui s'est créé. On va vous laisser ce petit moment d'intimité entre vous. On va passer à Kornilov. Kornilov, déjà, pour savoir... là, quel est ton problème? Tu viens de parler, du coup, à Oleg. Tout ça. Là, est-ce que, du coup, t'es en mode, je rentre en QG pour qu'on puisse partir en mission? Ou est-ce que t'as un dernier truc à faire? Ou est-ce que tu vas directement sur le lieu de la mission? Dis-moi tout. Eh bien, en fonction du temps qui me reste, soit je vais au QG s'il y a le temps, et si ça me semble être un peu trop chaud, je mets directement ma moustache. Enfin, j'ai déjà ma moustache, du coup, parce que c'est une vraie moustache. Oui. Mais sinon, bah, je vais directement sur les lieux en changeant, du coup, en mettant mes habits de... Ok. Eh bien... Tu as le temps, même si c'est pour très peu de temps, mais tu as le temps quand même de repasser viteuf au QG. Kornilov, tu rentres au QG et... Non, ça va. En vrai, tu tiens plutôt bien parce que tu n'as pas bu non plus des tonnes d'alcool. Bon, tu as quand même bu quelques verres, donc c'est vrai que tu te dis que... Bon, t'espères juste que tu n'auras pas à sortir ton arme parce que, bon, même si tu te sens bien, tu vois... Bon, c'est quand même pas très sérieux de devoir sortir une arme en étant alcoolisé. Voilà, c'est plus la morale, tu vois, où tu te dis, bon, je suis quand même un métropolite. Mais sinon, ça, tu te sens quand même plutôt bien. Bon, après, c'est sûr, si tu commences à te enchaîner quelques verres, là, je pourrais pas te dire la même chose. Ouais. Donc, ne finis pas les Benedacci de d'Esther. Bref, tu rentres au QG, donc à ton habitude, tu tapes le code dont tu te souviens pour cette fois. Tu tapes le code donné, t'ouvres la porte, et tu tombes sur Sophia et Esther qui sont en train de discuter plutôt normalement. Esther, du coup, bah, tu vois Kornilov rentrer. Je suppose que, c'est pour ça que j'ai dit ça, mais je suppose que, effectivement, sachant qu'il allait arriver, bah, là, vous avez repris un peu. Oui, évidemment. Voilà, une posture un peu plus, moins intime. Ouais. Et du coup, il vient d'arriver. Je sais pas même si vous voulez du coup échanger que quelques mots. Peut-être que les cocktails trahiront Esther. Je sais pas à quel point Kornilov la connaît. Quoique, ça ne ressemble pas trop. Ouais. Mais c'est peut-être justement ça qui devrait alerter Kornilov. Je regarde mes stats. C'est quoi l'observation sociale en termes de stats? En vrai, il n'y a pas vraiment. Hein. Ça, c'est plutôt... Ouais, est-ce qu'il sentait un petit malaise un peu ambiant, tu sais? En vrai, ça dépend comment vous comportez. Si t'es vraiment repassé en mode juste, on discute normalement, ou si c'est vraiment en mode putain, il y a Kornilov, faut qu'on... c'est toi qui me... Non, t'es pas non plus, mais. Non, mais ça peut se sentir, tu vois. Si vous êtes en... Non, non, mais tu vois vraiment, genre, si vous êtes passé en mode bon, il y a Kornilov, faut. Ben, je aussi. Tu peux quand même sentir que dans l'air, il y a un truc un peu. Tu sais. Je sais pas, genre, j'imaginais, tu sais, des joues un peu rouges, des trucs comme ça, tu vois, une espèce de. Puis même pour, enfin, je sais pas, moi, les deux petits cocktails et tout, à mon avis, moi, ça peut se... Tu vois, ça sent un peu, quoi. Mais après, ça dépendra des jeux de Kornilov. Bah, Kornilov, en vrai, c'est... Tu remarques ça, tu vois. Tu sens qu'il y a un petit truc, même si tu saurais pas dire exactement ce que c'est. Mais ouais, il y a une petite gêne quand tu rentres, mais bof, tu dis, bon, j'arrive peut-être pas au meilleur des moments, peut-être qu'il y a une conversation... Tu vois Esther, très contente avec son cocktail à la main. Je vais le dire, j'ai cocktail. Bref, est-ce que vous voulez échanger quelques mots avant de vous préparer, tout ça Ouais, en effet, bof. Échanger sur ce qui s'est passé si, dans la journée. Tu sais, je lui dis... les déguisements, on n'avait pas besoin de les rendre. Ils sont à nous, définitivement, il me semble. De souvenirs, je les ai loués. Parfait. J'en aurai besoin d'ici un ou deux soirs. Pas de problème. Là-dessus, bah, je vais pas tarder à me préparer. Et puis, je n'imaginais la scène de drague où Esther est habillée en la personne en face déguisée. Et du coup, je m'habille et puis au bout d'un moment quand on part je pose vite deux trois questions sur ce qu'il a fait et tout est-ce que son après-midi a été fructueux Bien sûr, à moins qu'il y ait d'autres trucs que vous proposiez de faire. Tu parles de quoi, Kornilov? Est-ce que tu parles un peu des situations ou... Non, enfin, je lui cache rien sur ce que j'ai fait. Je lui dis que j'ai essayé d'aller reparler à Rolando. Et Comment va-t-il? disparu. Ah. Et donc j'ai dû aller voir encore une autre de nos connaissances, Oleg, le chef de guilde. Oui, la fameuse guilde. Des hurleurs. Ah, tiens. Oui. Pour essayer de voir s'il n'y avait pas des infos justement pour le retrouver et il y travaille. D'accord. Très bien. Et j'ai entendu, a priori, il y a plein d'usines qui ont fermé. La sienne, elle en fait partie. C'est une question, c'est pas une affirmation. Ah, d'accord. Il me semble pas. La dernière fois que je m'étais rendu, mais la conteuse me dira. Bah, la dernière fois que tu t'étais rendu, Il me semblait que je leur avais attesté que tout allait bien se passer. effectivement, c'était la rumeur qui se faisait Ouais. entendre, mais tu leur avais dit que normalement qu'il n'y avait pas raison. Et ça, je me suis pas concentré là-dessus, je suis vraiment horrible. Faut que je me le note. Bien sûr, ils sont au chômage depuis 2 semaines, je suis pas au courant. C'était il y a moins de 2 semaines, mais... Je joue que Ça j'en ai fait plus rien pas que ça une pour les semaine. livres en plus, bon, c'est pas grave. Après, c'est pas le mood actuel d'Esther, elle pense plus à sa vie que d'aller se balader à droite à gauche pour... Oui. On verra ça plus tard. Mais non, il me semble pas qu'elle ait fermé. En tout cas, moi, Bah, j'en ai c'est vrai entendu que parler. tu es Je allé pense même très que j'aurais été récemment. mise au courant. Au moins, t'es allé il y a quelques jours, peut-être 4-5 jours, par quelque chose par là. Tu as dû y aller pour faire une mission comme d'habitude, que tu gères là-bas. Et elle était ouverte. Mais du coup, est-ce que vous avez parlé de ça en privé? En fait, je veux juste savoir si tu as parlé du fait que l'usine Medachi avait fermé devant Sofia ou pas. Pour Alors. moi, ça c'était plutôt sur le chemin. Oui, non, mais je pose la Ok, question pour juste du coup, savoir non. si. Bah, dans ma tête, on se préparait puis on discutait pendant son petit Oui, de toute vélo façon. tranquillement. J'englobe ça dans le tout, et c'est juste pour D'ailleurs, savoir il n'y a pas si. de petites lumières sur les petits vélos pour nous éclairer, genre des petits. Pas des petits phares, tu sais, mais des petites lampes pour. Après, les Alors. cocouilles de l'allée, la ville doit être bien éclairée de base, en fait, je me dis. Oui, la ville est méga Ouais. éclairée. Donc là, on Alors s'en après, fout non, il n'y assez. a pas de lumière. J'ai un doute. Hein. Est-ce que tu avais fait améliorer les vélos ou est-ce que tu voulais le faire et tu ne l'avais pas encore fait? Il me semble que j'avais commencé à y travailler, mais encore dans ma tête, je pense pas que je l'avais. J'ai pas Ouais. souvenir de l'avoir vraiment commencé Ouais, physiquement. j'avoue, j'ai un doute parce Mais que c'est un je sais projet. que tu en parlais, mais je Ouais, crois pas que. ouais. Non, non, non, il me semble que je me suis pas attelé encore à ça. Bah, j'aurais pu, mais vu qu'entre-temps, j'ai décidé de changer la serrure un peu en urgence et tout, Ouais. donc. Non mais parfait. Bah, en tout cas, du coup, tu pourras te noter l'idée peut-être d'avoir des lumières. En plus, ça vous rendra peut-être plus visible, ça sera peut-être mieux sur les trajets. J'ai deux quêtes annexes. Mais enfin, du coup, vous y rendez. Vous traversez toute la ville pour aller à la base ville. Du coup, voilà, vous traversez vraiment toute la base ville pour vous rendre à cette fameuse passerelle des ponts. Un de ces fameux surnoms qu'elle a parmi tant d'autres, à vrai dire, elle a beaucoup beaucoup de noms. Excusez-moi, mon ordinateur a fait un ralentissement, mais c'est bon. Et donc, vous descendez à vélo, tout ça, jusqu'à cette fameuse, en fait, énorme passerelle. Pour vous la décrire un peu, c'est vraiment, en fait, bah, comme vous pouvez imaginer, en fait, un croisement de, vous savez pas combien, de dizaines de ponts, des petits, des grands, qui vont dans à peu près toutes les directions. À vrai dire, si vous êtes sur un pont, il y en a sûrement un qui est au-dessus de vous, et sûrement trois autres qui sont en dessous. Voilà, c'est vraiment un petit labyrinthe de ponts et comme je le disais, il y a très très peu d'habitations. En fait, les habitations sont très rares et se trouvent vraiment en bas sur du sol bétonné qui se trouve au-dessus de l'écrime. Du sol de pierre plutôt, je crois, plutôt que du béton, mais qu'importe. Dans tous les cas, vous cherchez du coup un peu la localisation du rendez-vous et c'est vrai que c'est un peu perdant comme description parce qu'il vous a juste dit, bah du coup... tout en bas, et c'est vrai que comment accéder en bas, c'est un peu compliqué, sachant que tout ce qui vous entoure, c'est surtout des ponts un peu partout. Bon. Vous vous mettez du coup un peu en route, vous prenez un escalier, vous prenez un autre escalier, vous descendez, des fois vous êtes obligé de remonter pour arriver à un pont qui permet de descendre en bas. Enfin, c'est vraiment assez tortueux comme endroit, et vous sentez que c'est vraiment C'est typique en fait de l'architecture citadine, qui est une architecture qui a d'abord été pensée sur on a de la place, il faut qu'on fasse des choses. Et vous sentez qu'en fait, son roi a vraiment été construit en mode merde, on a des quartiers. On a des quartiers qui ne se réunissent pas, venez, on fait un endroit où on va permettre d'aller à un quartier à un autre. Et c'est vrai que l'architecture dont vous avez peut-être un peu plus habitude en haute ville, qui est une architecture qui prend un peu plus le temps d'installer quelque chose, d'être un peu plus cohérente. C'est une architecture en fait qui s'est fabriquée vraiment à la fin. C'est l'architecture actuelle. C'est celle, par exemple, quand vous voyez des gens en train de construire, quand vous voyez des acrobates, hein, c'est les gens qui s'occupent de monter sur les constructions pour les nettoyer, les réparer, ce genre de choses. Lorsque vous les voyez, eux, c'est cette architecture-là maintenant. Parce que maintenant que la place est construite, hein, et ben voilà, ils se permettent d'avoir des particularités vraiment un peu comme. Nous, on sait que voilà, chaque pays dans notre monde à nous a des particularités architecturales. En fait, les cœurs des cités dans Écrim ont plus ou moins la même chose. Et c'est que maintenant qu'ils ont le luxe, entre guillemets, de se permettre une singularité architecturale dans les formes, ce genre de choses. Ça me permet de parler toujours un peu de contexte quand vous vous déplacez, c'est toujours agréable. Et après bien 10-15 minutes à traverser des ponts un peu dans tous les sens, vous trouvez enfin un escalier qui permet de toucher de la passerelle au sol. Vous descendez donc une ultime fois de vos vélos, vous allez pouvoir les accrocher à un endroit prévu à cet effet. Vous arrivez enfin en bas, le soleil couchant, donc tout ce qui reste c'est des énormes ombres projetées par les ponts qui sont au-dessus de vous. Et en fait la particularité dans cet endroit, c'est que quand vous êtes en dessous du plus grand pont de la zone, il n'y a aucune lumière. Ce qui explique en fait pourquoi les gens y habitent pas. Déjà qu'il y a très peu de lumière dans les villes, hein, à cause de leur construction verticale où les gens de la haute ville... ont accès au jardin suspendu, ce genre de choses, et qui du coup construisent entre bâtiments, et donc les gens qui sont en bas bah n'ont pas de lumière, par logique. Et bien ici on est vraiment dans la même logique, sauf que là c'est un énorme pont, et donc déjà voilà, c'est compliqué d'avoir de la lumière qui irait s'installer sur un énorme pont qui empêche d'avoir du soleil H24. Donc l'ambiance est quand même assez sombre, le soleil étant couchant, c'est que des énormes ombres projetées absolument partout, et il fait du coup extrêmement sombre là où vous êtes. Par chance, quand vous arrivez au milieu de cette énorme passerelle extrêmement vide, il n'y a rien, c'est vraiment du sol en fait à perte de vue jusqu'à temps que vous remontez sur un escalier pour rejoindre les ponts. Il y a Arnold qui vous attend. Quel jour on arrive ? Je veux savoir si vous engagez en question ou pas, mais visiblement non. Donc, ouais, ouais. Ah, bien, bien. Suivez-moi. Sans dire un mot de plus, il se tourne et avance en fait dans les piliers en fait de l'énorme pont. Donc vous marchez juste quelques mètres en fait pour atteindre la bordure en fait de la route, hein, si vous préférez. Et il y a l'énorme pilier. Et en fait dans ces piliers, il y a ces petites constructions de métal. C'est des petits cabanons de métal qui semblent être des petites pièces. Ça a l'air inhabité, mais quand même construit. Vous savez pas vraiment quel était le projet derrière ça. Sûrement l'idée était de s'installer avant que les gens trouvent, enfin que ça trouve absolument personne. Excusez-moi. Bref, vous rentrez dedans. Enfin, excusez-moi. Arnold du coup ouvre la porte, hein, rentre dedans et vous invite du coup encore une fois à le suivre. Et vous remarquez qu'il y a 4 autres personnes dans la pièce. Vous rentrez. Ouais. Très bien. Vous rentrez. Non, ils ont pas ça. Ouais. On rentre. Très bien. Vous rentrez. Et. Bon, vous trouvez quand même un peu intimidé. Hein. Vous êtes deux, ils sont cinq. Et. Vous voyez que sans être hostile. Hein, vous sentez qu'en fait le nombre sert surtout à faire il y a un petit côté on en impose, mais voilà, c'est pas non plus hostile à commencer à vous faire des signes voilà exactement, mais voilà, ils sont là pour montrer que ça impose un peu. Et t'as en fait Arnold qui se place en fait au centre des 4 autres personnes, vous leur faites face et il fait en sorte que en fait, eux sont au niveau de la porte et vous trouvez plutôt vers le fond. Et là, Arnold se tourne vers vous. Bon. Dites-moi du coup ce que vous voulez. introduit lors de notre première rencontre. J'ai besoin de faire passer ma nièce ici présente hors de Venise. Donc de lui donner des plaques pour qu'elle puisse se mouvoir telle qu'elle le souhaite. Je comprends. Vous savez que mis à part si vous êtes quelqu'un de recherché par les métropolites, vous pouvez sortir avec votre identité actuelle, non? En effet. Mis à part si nous sommes recherchés par la métropolis. Je vois, je vois. Eh bien, soit. Tu vois qu'il fait un mouvement de tête. Hein, et la personne qui est tout à droite, qui est une femme, hein, rousse, hein, qui a une carrière quand même assez grande, elle est même plus grande que Harold, et sûrement plus grande que vous tous. Et elle va vers le fond de la salle et prend une plaquette de cire et commence à s'appuyer sur à s'appuyer sur le mur. elle appuie du coup la plaque sur le mur et voyant ça, Arnold reprend la conversation. Bon, vous avez de la chance, vous avez sûrement un choix que personne n'a ici. Comment voulez-vous appeler? Je pense que je marque pas autant. En vrai, ce serait archi drôle. Le souvenir un peu creepy. C'est vrai que franchement, j'aurais pu être beau jeu, lui demander un prénom qu'elle aimait bien. C'est vrai. Mais que toi, tu aurais pu. Si tu as besoin d'un nom, j'ai toujours une liste sur moi. Je veux bien des noms, en effet, qui fassent assez commun. C'est pas l'équivalent d'un John Smith, tu vois, mais presque. Commun, genre sur toute la toile ou à Venise? Plutôt, du coup, Antipoli, vu qu'a priori... non, ouais. Attends, elle m'a dit Gloriana, plutôt, dans la zone qu'elle voulait. Ouais, mais Antipoli et Gloriana ont des branches communes. Hein. Après, Venise, vu qu'en soi, Venise, c'est assez... un mélange de cultures, donc que Venise c'est pas mal. Venise? Ok, donc ça va être des noms plutôt italiens. Ouais. De toute façon, sur les traverses, elle sera obligée de dire qu'elle vient de Venise, donc. Du coup, un prénom plutôt commun, il y a des Elsa. Non, elles finissent mal les Elsa. Ouais. Martha, Cassandra, Alice, hein Natalina, Floriana. Sophia, c'est très commun. Vous appelez Virginia, désormais Sophia Benedaccio. Bon. Est-ce qu'il y a Benedacci avec un Y? Est-ce qu'il y a Iris peut-être? Dis-moi, est-ce qu'il y a un prénom? En vrai, Cassandra, j'aimais bien. Cassandra, okay. Avec un C ou avec un K? Avec un C. Généralement, en Italie, Ok. Enfin, excusez-moi. À Venise. À Venise. Cassandra, c'est sympa. Ok. Et en nom de famille, tu lui mets un nom de famille quoi, c'est commun, je suppose. Je te propose... Tiens, donne-moi une première, la première lettre de son nom de famille et je trouve un truc qui rentre dedans. Comme ça, tu peux choisir ses initiales, c'est mignon. Oui, oui, c'est vrai, oui. C'est. Tu veux un C? Non, je pense que... Quoique... Si, allez, vas-y, un autre C. Ça fera un joli rythme dans la prononciation. Cassandra quelque chose. Eh bien, on a... Je sais pas comment ça prononce. Je sais pas si c'est Sisala ou Kikala. Kisala, je sais pas. Regarde, je l'écris. Kopinski. Et tu... Vous appellerez désormais Esther Kopinski. Voilà. Elle procédait même tout. Je sais pas comment ça s'écrit. Enfin, je sais comment ça s'écrit. Je sais pas comment ça se prononce exactement, mais si ça te va, on parle là-dessus. Cassandra Kisala. Cassandra Kisala, ça sonne bien. Cassandra Kisala, ouais, ça me va. Ok. Ou d'ailleurs, c'est un A, mais on s'en fiche. Très bien, tu lui donnes ce nom. Tu vois que elle a écrit immédiatement ce que tu lui disais. Tu lui demandes si... Peut-être que si c'est la seule qui écrit, c'est peut-être parce que c'est la seule qui sait écrire. Mmh. Tu sais que voilà, vous êtes quand même dans... Bon, Arnold devrait savoir... vous vous en doutez, vu qu'il est dans les milieux un peu hype, mais... Vous vous doutez que les trois autres personnes qui l'entourent sont sûrement de la base ville, plutôt illettrées. Quoi qu'il en soit, elle finit de marquer la cire. Elle le tend à Arnold qui le range dans sa tenue. Mais bon, maintenant faut qu'on parle de quelque chose de sérieux. Mm-hmm. Vous voyez qu'il plonge sa main dans sa tenue. Il sort un tout petit mousquet. Si je me trompe pas dans les noms. Petite arme à feu. Il fait maintenant. Je sais très bien que vous travaillez avec des métropolites. C'est justement pour ça qu'on essaye de les fuir. Ouais. Mais travailler est un bien grand mot. Fricoter serait le meilleur terme. De ce que j'ai vous dire, vous aurez été choisi par des métropolites pour nous infiltrer et faire tomber la guilde, c'est ça? Je ne sais pas quelle est votre source, mais sachez qu'elle se trompe. Écoutez, vous avez fait ce que nous avions demandé et en échange, nous sommes prêts à repartir et vous n'entendrez plus. Avouez! Pour, je fais une petite aparté, hein, mais dans ma tête, pour l'instant, je pense qu'il bluffe. Je sais qu'on, d'ailleurs, du coup, on a dit qu'on avait un lien avec les métropolites, mais dans ma tête, je pense qu'il bluffe complètement, parce que pour moi, il n'y a pas de raison. Du coup, c'est pour ça que je joue vraiment la carte du, donc, dans ma apparence aussi, de vous vous méprenez, on a pu fricoter avec la guilde d'une manière ou d'une autre, mais on n'est pas lié avec eux, quoi. Au contraire, même, plutôt. Tchernyov, comment tu réagis, toi? Eh bien, je joue le gars plus effrayé par la discussion que ma soi-disant nièce. Disons que j'ai fait le mouvement de recul directement, bien entendu, quand elle a sorti. Là, je suis toujours en position de recul pour le moment. Même si à l'intérieur, j'observe chaque mouvement et chaque phrase qui se passe. Et pour l'instant, tant qu'elle a l'air de vouloir gérer la situation, je la laisse gérer. Après... Pareil, évidemment, bah forcément, vu qu'il y a une arme qui pointe vers moi, j'ai aussi le réflexe de m'enculer légèrement dans mon siège. Et je vais également en profiter pendant que je discute et je leur dis, mais vous m'apprenez, pour descendre légèrement ma main au niveau de mon arme également. Ça va demander un petit jet pour si tu veux que ce soit discret. Ouais. Après, c'est pas. L'idée, c'est pas flagrant, l'idée, c'est de la rapprocher un maximum pour que si j'ai l'impression qu'on se fasse tirer dessus, je puisse dégainer au. Très rapidement. Je comprends l'initiative, je le prendrai en compte dans mon interprétation du résultat. Mais pour le coup, je préfère pas me cramer, tu vois, pas prendre de risque. Oui, voilà, je le prends en compte le fait que tu joues vraiment plus sécurité que. Ouais, toi, tu serais plus préservation qu'accomplissement si je le ferais en duel. Ok, ouais. C'est une contestation, c'est ça? Non, là je te fais un G5 parce que vu l'heure, j'ai pas envie de faire un truc complet. Oui, c'est vrai. 9. Ok. Je sais pas quelle compétence c'est, mais en D, j'ai fait 9. Regardez. Tu sais quoi, je vais mettre ça dans tir. Je sais que t'es fort. Bah, du coup, je passe à 14. Bien. Eh bien, tu es assez discrète. Effectivement, tu diriges très très doucement. En fait, c'est très naturel dans tes mouvements de recul quand il braque l'arme sur vous. Donc ça se voit pas. Et il y a un énorme silence qui s'installe après ta dernière réponse. Donc, ouais, pareil, voilà, tout ça. Et... On n'a rien à voir avec eux, au contraire, on souhaite les fuir. Vous vous méprenez. Et après que t'as dit ça, toujours après un silence, tu vois qu'il te, il te fixe, tu vois qu'il commence à rigoler. Non mais je bleu, je fais tout le temps ça à mes clients. Ah, je suis désolé si je vous ai choqué, mais bon, vous savez, une fois ça s'est avéré véritable, hein, et puis on a eu des métropolites comme ça. Ah, je suis désolé. Tu vois qu'il range son arme. Ouais. Je remonte légèrement ma main également. Alors, c'est pareil avec ce petit rire de... Enfin, tu sais, ce sourire forcé de... Ouais, c'est marrant, ouais. Je suis désolé, surtout, monsieur, vous avez l'air d'être un peu traumatisé. Non, en réalité, faut juste parler du prix, puis c'est tout. Ah, s'il faut payer. Vous payez au moment de la réception des plaques. Par contre, il faut peut-être une petite avance, vous comprenez que... Sans doute, je comprends. On ne peut pas jouer avec... avec l'idée de client. Je vais sortir mes 6 lits, je vais les poser sur la table. J'imagine que ceci sera convenable pour une avance. Alors, il n'y a pas de table, mais tu lui tends et puis il les prend. C'est pareil. la pièce est vide. Hein. Dans ma tête, on était assis, c'est pour ça. Ouais, non, désolé, vous étiez debout et la pièce est vide. Ah oui, du coup, ouais. Du coup, d'ailleurs, j'ai dit, je me recule dans mon siège, alors on était debout. Oui, j'avais compris que c'était le joueur qui... Oui, c'est marrant, j'ai interprété ça différemment. Mais c'est vrai que j'ai oublié de l'indiquer, mais c'est vrai que les pièces sont totalement vides. Et... tu vois que du coup, bah, il prend... C'est pour ça d'ailleurs qu'elle s'appuyait sur le mur pour écrire. Oui, il prend les 6 liges, il les regarde. D'habitude, on demande un peu plus en avance, mais... bon, vu la peur que je vous ai fait, je l'accepte. Bon. Je vais être honnête, changer d'identité, ça coûte quand même une certaine somme. Bien sûr, mais comprenez que je ne pouvais pas me déplacer dans des endroits aussi peu fréquentables avec une somme importante sur moi. Tout à fait. J'aurais pris le risque de me la faire voler en pleine rue. Je vous demanderai donc un prochain rendez-vous. Donc, on va lui donner 6 liges. Tu vois qu'il commence à compter sur ses doigts. Ça va, ça dépassera pas les 10 liges, du coup. Ok. Vous me devez la prochaine fois qu'on se voit. Allez, je vous fais une petite ristourne. 65 liches. Pas de soucis. Nous paierons. Ah, vous savez ce que c'est ? Enfin, je suppose que si vous nous avez contacté, vous étiez déjà un peu au courant oui. De la chose. Oui, bien sûr. Bon. Encore désolé pour la petite peur, hein, mais on n'est jamais trop prudent, vous comprenez ? Pas de soucis. À ce moment-là, je me permets d'ailleurs, si jamais ça ne dérange pas, de sortir une cigarette et de fumer pour me détendre un peu. Tu vois que personne ne dit rien. C'est un peu la pression. Les gens toujours te laissent faire, c'est pas un acte. Tu vois qu'il fait bon. Du coup, on se retrouve d'ici une semaine. Même lieu. Et on vous fournit ce qu'il faut en termes de. Parfait. De plaques. En attendant, si jamais vous voulez nous contacter, vous pouvez vous rendre au QG des métros. Non, du coup, voilà, je salue. S'il nous laisse partir, on s'en va avec Candela. Oui. Avec moi, tout le monde. Je vais juste rajouter une petite couche à mon numéro, du coup, qui maintenant semble être celui du vieux qui a peur et qui est un peu bébête. Je vais juste tendre la main vers lui, un peu légèrement, avec un air un peu craintif. C'est pas en tremblant, mais genre, tu vois que les épaules sont un peu retroussées. Et quand il me serre la main, je vais lui dire merci beaucoup, vous savez pas le service que vous nous rendez. Et là, la moustache tombe. En baissant un peu la tête. Il te tapote un peu la main, oh, vous savez, c'est notre second métier.